De la vérité de la foi catholique. Chapitre 30. Que nous avons plusieurs sujets d'espérer que notre Seigneur nous délivrera de tous nos maux, ce que c'est que la foi, et que ce mot, croire, a divers sens. Les événements passés, dit Saint Grégoire, nous servent d'assurance des événements à venir, et puisque les hommes ne craignent point de prêter sur des gages, ce n'est pas témoigner une fort grande confiance en Dieu que d'espérer qu'il nous délivrera des maux qui nous arriveront, après avoir éprouvé qu'il nous a tant de fois délivrés de ceux que nous avons eus. Il est certain que si un homme nous avait témoigné son affection en nous assistant dans nos peines en diverses occasions, nous ne douterions point qu'il ne nous aimât et ne nous assistât encore dans celles qui nous pourraient arriver. Comment n'aurions-nous donc pas la même confiance en Dieu après le secours que nous en avons reçu, non seulement diverses fois, mais infinies fois? Souvenez-vous, servant de Jésus-Christ, de tant d'occasions dans lesquelles il vous a fait sortir victorieuse des combats que les démons vous ont livrés, que vous lui en avez rendu grâce et que vous avez conçu une entière confiance en son amour, après avoir vu qu'ensuite de la tempête il vous a envoyé le calme, que la joie a succédé à la tristesse, et que les effets vous ont fait connaître qu'il est votre véritable Père, que s'il veut maintenant éprouver par des souffrances votre patience, votre confiance et votre amour, et fait semblant de se cacher pour ne point répondre à vos plaintes, gardez-vous bien de perdre la confiance que vous avez eue en diverses occasions, car si, considérant seulement vos peines présentes et que Dieu ne les fait pas cesser, vous vous imaginiez qu'il n'a plus soin de vous, et lui disiez comme les apôtres dirent durant une grande tourmente, « Seigneur, ne vous mettez-vous point en peine de ce que nous périssons, Marc 4, 38, vous tomberiez dans cette répréhension de l'Écriture. » L'insensé est changeant comme la lune, Ecclésiaste, 27, et seriez semblable à une girouette qui tourne sans cesse à tous vents. Lorsque Dieu vous assistait dans vos travaux, c'était sa miséricorde qui, comme un vent favorable, vous en délivrait et vous obligeait à lui en rendre grâce. Et les tribulations qu'il vous envoie maintenant sont comme un autre vent par lequel il vous éprouve pour connaître si vous avez la même confiance qu'auparavant. Où serait donc votre foi, si tant d'effets que vous avez reçus de son assistance ne vous rendaient pas assez forte pour vous confier en lui dans vos peines présentes par le souvenir de la bonté avec laquelle il vous a délivré de vos peines passées? On ne peut penser, sans étonnement, à une aussi étrange incrédulité que fut celle des Israélites, lorsqu'après que Dieu les eut tirés de l'Égypte par tant de miracles et en eut fait tant d'autres en leur faveur dans le désert, ils n'ajoutèrent pas foi à la promesse qu'il leur avait faite de les mettre en possession de cette heureuse terre qu'il leur commandait de conquérir, ce qui fut cause, comme dit saint Paul, qu'ils n'y entrèrent point. N'est-ce donc pas à proportion une grande ingratitude et une lâche défiance à ceux que Dieu a délivrés de plusieurs périls, de ne pas croire qu'il ne les abandonnera point dans leurs périls présents et dans ceux qui peuvent encore leur arriver, puis, comme je l'ai dit, qu'il ne nous abandonne jamais, si nous ne l'abandonnons les premiers? Il faut savoir que ce mot de croire se prend quelquefois pour une opération de l'entendement qui embrasse avec une entière certitude les vérités de la foi catholique, que celui qui a une créance contraire est incrédule et un véritable hérétique, et que son incrédulité est une hérésie, mais on ne doit pas appliquer cela à ceux dont nous venons de parler et les traiter d'incrédules, puisqu'ils ne sont pas obligés de croire comme une chose de foi que Dieu les délivrera de leur peine, ainsi que les Israélites étaient obligés de croire que Dieu les rendrait victorieux de leurs ennemis, s'il avait le courage de les combattre, parce qu'il le leur avait promis expressément. Il y a une autre sorte de créance qui, selon le langage des saints et la manière ordinaire de parler, est une opinion fondée sur la raison ou sur des conjectures, que si ces raisons ou ces conjectures sont fortes, on donne aussi à cette créance le nom de foi, et c'est ainsi qu'il y a des personnes qui croient que Dieu leur a pardonné, qu'ils sont en grâce et qu'il les assistera dans leurs besoins. Cette créance que l'on a dans un esprit fortifie la confiance ou l'espérance que l'on a dans la volonté, ce qui fait que quelquefois on donne à l'incrédulité le nom de défiance, et à la crédulité ou à la foi celui de confiance. En cette sorte, l'on peut dire qu'ayant été délivré d'autres périls par l'assistance de Dieu, et ayant sujet de croire, non pas avec certitude, mais en la manière que je l'ai dit, qu'il nous délivrera encore de celui dans lequel nous sommes, c'est être incrédule que d'en douter, mais non pas agir contre la foi. Or, parce que les luthériens confondent d'ordinaire ces diverses manières de croire, nous devons, comme catholiques, parler clairement et distinctement en appelant la foi et la confiance chacune de leur propre nom, et en déclarant comment se doivent entendre ces mots de croire et de crédulité, à cause qu'il y a des occasions dans lesquelles on est obligé d'éviter des termes dont on peut en d'autres user sans crainte. Mais pour revenir à notre propos, fuyez, ma fille, cette défiance et ces changements que l'Écriture dit qui rendent les imprudents changeants comme la lune, et tâchez d'acquérir cette fermeté dont elle loue le juste en disant, « Il est réglé dans son cours comme le soleil. » Ecclésiaste 27, c'est-à-dire il agit toujours d'une même sorte. Pratiquez aussi ce qu'elle ordonne de se souvenir dans la prospérité de l'adversité. Et dans l'adversité de la prospérité, Ecclésiaste 11, tempérant l'une par l'autre et vivant toujours dans l'égalité, ainsi la tribulation ne nous fera point tomber sous le poids de la défiance et de la tristesse, et les consolations spirituelles ne dissiperont point votre cœur, et ne vous feront point tourner la tête par une joie excessive. C'est la manière dont agit Anne, cette sainte femme, mère du prophète Samuel, 1 Rois 1, 18. Car, après avoir fait sa prière dans le temple de Dieu, elle ne témoigna plus nulle tristesse, et son esprit demeura toujours dans la même assiette. Isaïe dit aussi qu'il y aura une demeure où nous serons à l'ombre durant la chaleur du soleil, et à l'abri des vents et de la pluie, Isaïe, 4. Vous devez faire tous vos efforts pour arriver à cette sainte demeure, afin qu'une force inébranlable et une ferme confiance en la miséricorde de Dieu vous mettent dans une assurance qui vous empêche de rien craindre dans les périls et les affaires les plus fâcheuses, selon cette autre parole d'Ézéchiel qui, parlant par un esprit de prophétie du temps de la nouvelle loi, dit, « Les hommes dormiront sans crainte au milieu des bois, » Ézéchiel 34. Car encore qu'il paraisse étrange de pouvoir trouver du repos et de la sûreté dans cet exil, néanmoins, quoique ce repos et cette assurance ne soient rien en comparaison de ceux dont nous jouirons dans le ciel, ils sont fort grands. Si on les compare avec les craintes et les frayeurs qui troublent l'âme des méchants, Job dit que celui qui renoncera à l'esprit de malice jouira de cette paix, et saint Paul assure que la vertu de l'espérance sert à l'âme comme d'une ancre qui l'affermit contre la violence des tempêtes, tellement que si nous avons pour ennemi un démon qui, par les combats qu'il nous livre, s'efforce de nous étonner et de nous faire perdre la confiance, nous avons en la personne de Jésus-Christ un ami beaucoup plus puissant et plus fort que lui, un ami qui nous aime incomparablement davantage que lui ne nous hait, et qui, de même que ce malheureux esprit veille toujours nous nuire, a sans cesse les yeux arrêtés sur nous pour nous assister, parce qu'il nous considère comme étant notre pasteur et nous ses brebis pour lesquelles il a répandu son précieux sang. Ayant donc un Dieu pour protecteur, craindrons-nous les démons dont le pouvoir comparé au sien n'est que faiblesse, et qui, lorsque nous avons la foi, ne peuvent nous nuire sans sa permission, car ont-ils pu sans cette permission toucher à rien de ce qui appartenait à Job, et faire précipiter dans la mer les pourceaux des Géraséniens, Luc 8, 32, et ceux qui n'ont pu toucher à des pourceaux sans cette permission, pourront-ils sans la même permission nuire à des hommes? Fortifiez-vous dans le Seigneur, dit saint Paul, et en sa vertu toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir vous défendre des embûches et des artifices du diable, Éphésiens 4, 10. Et ce grand apôtre ayant rapporté quelles sont quelques-unes de ses armes, il ajoute, « Servez-vous surtout du bouclier de la foi pour pouvoir repousser et éteindre les traits enflammés du malin esprit, Éphésiens 6, 16, parce que, cet ennemi étant plus fort que nous, nous devons nous servir d'armes surnaturelles, qui sont la foi, ou de quelques paroles de l'Écriture, ou des sacrements, ou des instructions de l'Église, ou d'une ferme créance de la toute-puissance de Dieu, ou de la force que donne l'espérance, ou de l'offre que nous lui ferons de nous-mêmes par un mouvement de l'amour que nous lui portons. Ainsi, en recevant de bon cœur tout ce qu'il lui plaît de nous envoyer, nous nous moquerons des démons et adorerons le Seigneur qui nous en a rendu victorieux, non seulement par lui-même, mais par ses saints anges qui combattront pour nous, comme le prophète Élisée fit voir à son serviteur qu'il combattrait pour lui, lorsque, dans la crainte qu'il avait de l'effroyable armée des ennemis, il lui dit, « N'appréhendez rien. » Car ceux qui combattent pour nous sont en plus grand nombre que 4. Rois 6, 16. Et après que Dieu eut à sa prière ouvert les yeux de ce serviteur, il vit la montagne toute pleine de cavaliers, de chevaux et de chariots tout en feu, parce que des anges du Seigneur étaient venus au secours de ce prophète. Ainsi nous n'avons qu'à nous donner entièrement à Dieu pour avoir de notre côté une multitude d'anges dont un seul est capable de surmonter toutes les puissances de l'enfer. Et ce qui est encore beaucoup plus, nous aurons même pour nous le Seigneur des anges, sous la puissance duquel fléchissent le ciel, l'enfer et la terre. En faut-il davantage pour nous faire mépriser tous les démons, nous rassurer dans nos craintes et nous rendre hardis comme des lions par l'assistance de Jésus-Christ qui, après avoir été doux comme un agneau lorsqu'il s'est livré lui-même pour nous à la mort, s'est fait voir terrible comme un lion, lorsqu'étant descendu dans les enfers, il a vaincu et enchaîné les démons et garanti de leur fureur, par la puissance de son bras, ses brebis spirituelles, ces âmes chéries de lui qu'il a rachetées par son sang. Que s'il paraît à quelqu'un, ma chère fille, que je me sois trop étendu sur ce sujet, il doit l'attribuer au désir que j'ai que vous ne soyez pas l'une de ces personnes que j'ai vues en si grand nombre abandonner le service de Dieu par l'appréhension du démon. Je sais que nous avons à soutenir contre cet ennemi des guerres encore plus grandes que celles dont j'ai parlé. Mais je sais aussi que lorsqu'il semble que la tribulation est arrivée à son comble, que les forces nous manquent, que nous ne savons plus à quoi recourir, et que ce lion infernal pense être près de nous dévorer, ce vaillant et charitable David, qui est Jésus-Christ, nous arrache d'entre ses dents et le met lui-même en pièces. 1 Rois 1 34. Je pourrais rapporter des preuves de choses semblables que j'aurais eu de la peine à croire, si je ne les avais vues de mes propres yeux, car je puis assurer que des personnes étant dans la plus grande souffrance que l'on saurait s'imaginer, Dieu, par des merveilles de son infinie bonté, a montré qu'il n'abandonne jamais ceux qui ont recours à lui, quoiqu'il ne le fasse que faiblement et en commettant des fautes, et je n'ai vu une seule de ces personnes en qui cela ait manqué. Ainsi ceux qui seront, réduits en cet état et comme ensevelis dans le ventre d'une baleine doivent implorer l'assistance de Jésus-Christ et se servir des conseils que leurs confesseurs leur donneront avec une ferme confiance en ce bon et divin pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis, qui mortifie et qui vivifie, qui précipite dans les enfers et qui en retire, qui afflige en certains temps et fait en d'autres que la consolation est plus grande que n'a été l'affliction. Chapitre 31. Que la vérité de Dieu est la première chose dont nous devons nous instruire par le moyen de la foi, que la foi est le fondement de toute la vie spirituelle, et que les choses qu'elle nous enseigne sont élevées au-dessus de la raison. Dévote servant de Jésus-Christ, après vous avoir montré quels sont les langages auxquels vous ne devez point prêter l'oreille, je dois maintenant vous apprendre quels sont ceux que vous devez écouter, afin de pratiquer ces paroles de David. Écoutez, ma fille, et sachez que la vérité est la seule chose qui mérite que vous l'écoutiez. Mais parce qu'il y a plusieurs vérités qui n'ont point de rapport au sujet dont je veux parler, qui est la foi catholique que les chrétiens doivent avoir, je dis que vous devez l'écouter et l'apprendre des paroles de Dieu dans l'Écriture sainte et de l'Église catholique. Car c'est avec grande raison que David nous recommande de commencer par ce que nous sommes premièrement obligés de faire, et saint Paul dit que la foi vient de ce que l'on a ouï, Romains 10. Cette foi est le premier hommage que l'âme rend à son Créateur en lui rendant l'adoration due à un Dieu, c'est-à-dire à un être souverain, infiniment élevé au-dessus de tous les êtres. C'est pourquoi, encore qu'il y ait certaines choses en Dieu que la raison est capable de comprendre, lesquelles saint Paul nomme la manifestation de Dieu, elle ne saurait atteindre jusqu'à l'intelligence de ces grands mystères que la foi croit, ce qui a fait dire à ce grand apôtre qu'elle croit ce qu'elle ne voit pas, et adore avec une constante fermeté ce que la raison ne saurait comprendre, Romains 1. L'Écriture sainte nous le marque dans cette vision qu'eut le prophète Isaïe de deux séraphins qui couvraient dans le temple avec leurs ailes la face du Seigneur, Isaïe 6, 2, et par cette obscure nuit où était Dieu, dans laquelle Moïse entra sur la montagne, Exode 24. Ne paraît-il pas étrange que Dieu étant une lumière si pure, qu'elle ne peut, comme dit saint Jean, être mêlé d'aucune ténèbre, il veuille ainsi être ainsi caché dans les ténèbres. Mais cela vient, comme dit saint Paul, de ce que cette lumière dans laquelle il habite est si vive et brille de tant de clarté et de rayons, qu'elle est inaccessible aux créatures, parce qu'elles n'en peuvent soutenir l'éclat, et qu'ainsi elle ne passe à l'égard des anges et des hommes que pour des ténèbres qui empêchent leur raison de pouvoir arriver jusqu'à comprendre un si grand mystère, de même que, lorsqu'une roue tourne avec une telle rapidité que nos yeux ne sont pas capables de discerner son mouvement, Nous disons qu'il semble qu'elle ne tourne pas. Notre foi ne rend pas seulement l'honneur qui est dû à Dieu en disant que notre raison ne le peut comprendre, mais aussi en déclarant qu'il est si extrêmement élevé au-dessus de tout, qu'encore que sa lumière le rend très visible dans le ciel, il n'y a point d'ange ni d'homme qui puisse connaître tout ce qu'il est. Quand toutes leurs volontés seraient jointes ensemble, il ne saurait l'aimer autant qu'il est aimable, ni jouir de tout le bonheur dont il est l'éternelle source. Lui seul est capable de se comprendre. Tout ce que les créatures qui le voient dans le ciel peuvent faire est de l'aimer, de le posséder, de le louer et de le respecter, en avouant que tout ce qu'ils connaissent de lui et ce qu'ils peuvent faire pour l'amour de lui n'est rien en comparaison de ce qu'il est et de ce qui lui est dû. Ainsi elle se prosterne devant sa face, l'adore dans un profond silence, et confesse que lui seul est capable de se donner cette parfaite louange à laquelle elle ne saurait atteindre. Ce silence est le plus grand honneur qu'on lui puisse rendre et qui n'appartient qu'à un Dieu, parce qu'il témoigne qu'il est au-dessus de toutes les louanges qu'on lui peut donner, ce qui a fait dire à David, « Mon Dieu, c'est dans Sion, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste, qu'on vous doit louer, psaume 64, 1. Tellement qu'encore qu'on lui donne sans cesse dans le ciel des louanges dignes de lui en disant, Saint, Saint, Saint, Seigneur, qui êtes le Dieu des batailles, Isaïe, 6, et autres semblables louanges. Ces esprits bienheureux confessent par leur silence que leur intelligence ne peut aller jusqu'à comprendre ce qu'il est, tant sa grandeur est inconcevable. C'est pourquoi David a dit, il est monté sur les chérubins, il a pris son vol, et il a volé sur les ailes des vents, psaume 17, 12. Ce qui l'a fait parler en cette manière, c'est que nul esprit ne peut concevoir ses infinies perfections, et qu'ainsi on se trouve réduit à dire comme les enfants d'Israël, quand ils virent tomber du ciel ce pain miraculeux qui les nourrit pendant 40 ans, manne, qui signifie, qu'est-ce que cela, et à être ravis d'admiration comme le fut la reine de Saba, lorsqu'après avoir vu Salomon, elle dit que tout ce qu'on lui avait rapporté de sa sagesse n'était rien en comparaison de ce qu'elle en avait reconnu. C'est pourquoi, encore que ce que l'on voit de Dieu dans le ciel surpasse de beaucoup tout ce que l'on en a entendu dire sur la terre, on ne saurait connaître tout ce qu'il est. Voilà quel est le Dieu que nous adorons et ce que la foi nous apprend de lui en disant avec David, le Seigneur s'est réservé le plus haut des cieux, psaume 90, 25, car ce plus haut des cieux est comme le secret dans lequel il habite et qui ne peut être que pour lui seul, parce que lui seul se peut connaître. Chapitre 32. Qu'il est conforme à la raison de croire tout ce que notre foi nous enseigne, quoi qu'il soit au-dessus de notre raison. Il faut savoir, ma fille, qu'encore que j'ai dit que la foi nous oblige à croire des choses qui, bien qu'elles ne soient pas contraires à la raison, ne se peuvent comprendre par la raison, on ne doit pas néanmoins penser que la créance que nous en avons soit contraire à la raison ou sans raison, car quoique nous n'ayons pris une claire intelligence de ce que nous croyons, cela ne nous doit pas empêcher de croire, parce que notre foi est appuyée sur de si puissantes raisons que nous devons même être toujours prêts à en rendre compte devant quelque juge que ce soit, selon ces paroles de saint Pierre. Soyez toujours prêts de répondre pour votre défense à tous ceux qui vous demanderont raison de votre foi. 1 Pierre 3, 13. Vous comprendrez facilement cela, servant de Jésus-Christ, par l'exemple que je vais vous proposer. Si l'on vous disait qu'un aveugle né a dans un moment recouvré la vue, ou qu'un mort est ressuscité, il est certain que votre raison ne pourrait comprendre comment cela aurait pu se faire, parce que c'est une chose surnaturelle et qui est au-dessus de la raison. Mais si un grand nombre de témoins irréprochables vous assuraient de l'avoir vu, n'y aurait-il pas non seulement de l'opiniâtreté, mais une opiniâtreté condamnable de ne le pas croire, puisque cette même raison qui ne l'aurait pu comprendre oblige à croire ce qui est rapporté par tant de témoins tous y croyables, que si ces mêmes témoins souffraient la mort avec joie pour confirmer la vérité de leur témoignage, n'y aurait-il pas encore plus de raison d'y ajouter foi? Et s'ils faisaient des miracles aussi grands et encore plus grands que celui dont il aurait rendu témoignage, n'aurait-on pas un extrême tort de ne les pas croire sous prétexte de la grandeur du miracle pour la confirmation duquel ils n'auraient point craint de donner leur vie? Or, vous devez savoir qu'il n'y a rien dont la raison soit plus incapable que de connaître clairement ce que la foi l'oblige de croire, ni rien si conforme à la raison que de le croire, puisque l'on ne saurait, sans commettre un grand péché, ne le pas croire. Les véritables miracles que fit Moïse ne firent-ils pas croire aux Israélites qu'il communiquait avec Dieu, et qu'il était envoyé par lui pour leur apporter de sa part sa loi qu'ils reçurent? Et quelques faux miracles faits par Mahomet n'ont-ils pas porté les Arabes à le considérer comme un homme envoyé de Dieu, et n'ont-ils pas reçu de lui avec respect la loi toute charnelle qu'il leur a donnée? Considérez après cela les miracles faits par Jésus-Christ, par ses apôtres et par tant de saints pour confirmer notre sainte foi depuis la naissance de l'Église jusqu'aujourd'hui, et vous trouverez qu'ils sont innombrables et surpassent infiniment tous ceux qui auparavant avaient été faits dans le monde. Nous ne voyons dans l'Ancien Testament que trois morts ressuscitent dans le cours presque de 2000 ans. Et saint André seul en a ressuscité 40 pour accomplir ainsi cette parole de Jésus-Christ, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et en fera encore de plus grandes » Jean 14, 12, car ce Sauveur du monde a voulu faire connaître quel était son infini pouvoir, non seulement par ses œuvres, mais par les œuvres de ceux qui sont à lui, dans lesquels il agit et fait tout ce qui lui plaît, quelque miraculeux qu'il puisse être. Je viens de vous dire ce qu'un seul de ses apôtres a fait, afin que par là vous puissiez juger des actions des autres apôtres et autres saints de l'Église. Ce qu'ils ont fait dans le commencement de son établissement était plus que suffisant pour confirmer la vérité de la foi. Mais le désir que Dieu a que tous les hommes se sauvent en le connaissant, et que ceux qui le connaissent déjà en soient de plus en plus persuadés et consolés, fait qu'il nous en donne continuellement de nouvelles preuves par de nouveaux miracles. Ainsi il se passe peu d'années que l'on ne canonise quelques saints, ce qui ne se fait jamais qu'après des informations très authentiques de la sainteté de leur vie et de leurs miracles. Que si l'on a la curiosité d'en savoir le particulier, il s'en trouvera assez de preuves, même de notre temps, dans l'Europe, et encore beaucoup plus dans les Indes orientales et occidentales. Chapitre 33. Que nous avons des témoins irréprochables de la vérité de notre foi qui ont généreusement exposé leur vie pour la soutenir. Il se trouvera peut-être des personnes qui voudront révoquer en doute cette multitude de miracles faits dans l'Église chrétienne, parce qu'étant ennemis de notre foi, ils jugent bien que si ceux qui en ont rendu témoignage sont véritables, ils seront contraints de confesser que nous avons très grande raison d'y ajouter foi, et que ce sont eux qui se trompent, mais je leur demande pourquoi. S'il refuse de croire ses témoins que nous allégons, et de recevoir notre foi, croient-ils ceux dont ils embrassent les opinions et reçoivent la fausse créance, puisqu'il ne saurait nier que ces témoins que nous leur proposons ne surpassent extrêmement les leurs, tant en nombre qu'en toutes les qualités qui les peuvent autoriser. On a vu dans l'Église catholique des hommes reconnus généralement pour être si parfaits, si exemples de tout amour du bien, de tout désir d'honneur et de tout ce que les autres recherchent avec tant de passion, et si fortement attachés à la vérité, qu'ils n'ont point craint de mourir pour la défendre. Quel intérêt des hommes si éminents en vertu et qui, au lieu d'avoir quelques prétentions pour ce qui regarde les avantages d'ici-bas, renonçaient à tout ce qu'ils y possédaient, pouvaient-ils avoir à rendre ce témoignage? Est-il vraisemblable que ceux qui, pour soutenir ce qu'ils ont dit, se résolvent à perdre la vie dans des tourments effroyables, soient de faux témoins? Il est vrai qu'il se trouve des hommes qui, à force de torture, avouent ce que les juges leur demandent, quoiqu'il soit contraire à la vérité. Mais si les chrétiens avaient voulu répondre selon que les juges le désiraient, bien loin de perdre la vie, ils ne l'auraient pas seulement conservée, ils auraient même été élevés à de grands honneurs, au lieu que, méprisant les promesses qu'on leur faisait, ils préféraient la mort à la perte de leur foi, ce qui montre qu'ils n'aimaient ni n'appréhendaient rien de tout ce qui n'est que temporel, quelque désirable ou quelque redoutable qu'il pût être, et qu'ainsi leur témoignage ne saurait être suspect. Si l'on dit qu'il est vrai que ces raisons font voir que c'étaient des gens de bien qui ne voulaient tromper personne, mais qu'ils pouvaient être trompés et trompaient les autres, sans en avoir le dessein, je réponds qu'entre ceux qui ont répandu leur sang pour la foi de Jésus-Christ, il y en a eu plusieurs si sages et reconnus pour tels de tout le monde, que l'on ne saurait croire raisonnablement qu'ils se soient tellement trompés dans un sujet si important, qu'ils aient voulu, pour soutenir leur créance, perdre la vie. À quoi il faut ajouter que c'est une chose constante que la sagesse des chrétiens était aussi élevée au-dessus de celle des autres, que les maîtres le sont au-dessus de leurs disciples, et que ce n'a pas seulement été quelques particuliers, ni 20, ni 30, ni 100, mais un très grand nombre qui ont eu cette sagesse et sont morts pour maintenir notre sainte foi, ce qui est un grand témoignage de sa vérité, car encore que nous lisions que quelques-uns ont mieux aimé souffrir la mort que d'abandonner leurs erreurs, ils n'avaient rien d'approchant de ces véritables chrétiens, ni en nombre, ni en vertu, ni en sagesse. Chapitre 34. Que la bonne vie des chrétiens est une preuve de la vérité de notre foi, et qu'ils ont surpassé en vertu tous les peuples qui n'ont pas la même créance. Après avoir parlé de la vertu des martyrs chrétiens, je pense pouvoir dire combien c'est une grande preuve de la vérité de notre foi, car, Dieu étant la bonté même et l'auteur de tout le bien, la raison veut qu'il aime ceux qui sont bons, puisque chacun aime son semblable et que chaque cause a du rapport à son effet, ainsi, Dieu n'a garde de manquer de les assister dans leurs besoins, dont le plus grand est de sauver leurs âmes, ce qu'ils ne peinent à obtenir, s'il ne leur fait la grâce de le connaître, ni le connaître d'une manière capable de le suivre, s'il ne leur donne cette connaissance. Cela ne se pouvant nier, il faut demeurer d'accord que, s'il y a en ce monde une connaissance par laquelle les hommes se sauvent, ce sont les chrétiens que Dieu en favorise, puisqu'il se trouve encore parmi eux des personnes d'une plus haute vertu que dans nul autre peuple qui soit sur la terre. Les philosophes qui ont passé pour le chef-d'œuvre de la nature humaine ont établi, comme une maxime constante, que le bonheur de l'homme consiste à vivre conformément à la raison, mais sans parler des principaux d'entre eux, dont Saint Jérôme rapportait les honteuses actions, les chrétiens surpassent de telle sorte en vertu les plus vertueux de ces philosophes, que l'on a vu dans l'Église chrétienne des femmes faibles et de jeunes filles, en avoir incomparablement plus témoigné que ceux qu'ils considéraient comme des hommes héroïques, car, qui d'entre eux a fait paraître autant de courage que Sainte Agnès, Sainte Lucie, Sainte Agathe et tant d'autres qui ont souffert avec une constance invincible les plus cruels de tous les tourments et la mort pour conserver leur corps chaste et leur foi pure, que si elles ont beaucoup plus que ces philosophes donné des preuves d'une force si élevée au-dessus de la faiblesse de leur sexe, dans l'excès de tant de tourments et dans la joie avec laquelle elles les ont supportés, combien ont été plus grandes encore cette extrême humilité, cette ardente charité et ces autres vertus qui leur étaient plus naturelles. Quoique je ne vous ai proposé pour exemple que ces admirables vierges, vous n'ignorez pas quelle est la multitude innombrable d'hommes et de femmes de toutes conditions qui ont servi Dieu parfaitement dans l'Église chrétienne, quelques, un d'eux, étant dans le monde si élevés en honneur, si abondants en richesse, si favorisés de la fortune et prêts de monter sur le trône, ont, pour se rendre agréable à Dieu, embrassé une vie pleine de croix en la passant dans la pauvreté, dans les travaux et dans l'obéissance, non seulement à lui, mais aux hommes, avec une telle vertu qu'on ne les pouvait voir sans admiration. Saint Paul dit qu'il y avait dans l'Église des personnes dont la vertu éclatait d'une si vive lumière, qu'étant comparée à tout le reste du monde elle pouvait passer pour des étoiles qui éclairaient la terre, et il ne faut que considérer la vie de ce grand saint, celle de tant d'autres apôtres et de tant d'hommes apostoliques qui ont fleuri dans l'Église pour ne pouvoir en douter. Puis donc que les actions des chrétiens ont fait remarquer en eux une si grande sainteté, ne peut-on pas dire, ou que les autres hommes n'ont ici-bas aucune connaissance de Dieu, ou que c'est à ce peuple chéri de lui à qui il fait la faveur de la donner, et qui en tire tant d'avantages, parce qu'ils s'en servent pour lui témoigner leur reconnaissance et s'efforcer de lui plaire, sur quoi on ne doit pas dire que le monde a été sans avoir cette connaissance de Dieu si nécessaire au salut, puisque ce serait dire que les principales de ces créatures qui sont sur la terre, et pour l'amour desquelles il a créé toutes les autres se perdraient, parce qu'il ne leur aurait pas donné les moyens de se sauver. Or, quelle apparence que Dieu eût voulu fermer la porte du ciel aux hommes, et qu'étant une source éternelle de bonté et de miséricorde, il ne leur en fit point ressentir les effets ici-bas, et encore davantage dans le ciel, en répandant ses grâces sur eux. Comme cette pureté des mœurs des chrétiens est une preuve de notre foi, les apôtres ne se pouvaient lasser de la recommander aux fidèles dans la naissance de l'Église, comme il paraît par ces paroles de Saint Pierre, « Vous aussi, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui ne croient pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la bonne vie de leurs femmes, en considérant la pureté dans laquelle vous vivez. » 1 Pierre 3 1. Par où il paraît qu'elle est la force d'une sainte vie, puisqu'elle était capable de convertir les infidèles, de ce que la prédication des apôtres, quelque puissante qu'elle fût et accompagnée de miracles, n'avait pu faire. Saint Paul dit que, pour passer d'un pays à un autre, Il n'avait point besoin que ceux à qui il avait prêché l'évangile lui donnassent des lettres de recommandation pour ceux à qui il fallait prêcher, et il dit aussi en écrivant aux Corinthiens, « Avons-nous besoin, comme quelques-uns, que l'on nous donne des lettres de recommandation pour vous, ou que vous nous en donniez pour les autres ? Vous êtes vous-même notre lettre de recommandation qui est écrite dans notre cœur, et reconnue-le de tous les hommes, vos actions faisant voir que tout c'est la lettre de Jésus-Christ, dont nous n'avons été que les secrétaires, et qui est écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, qui sont vos cœurs. » 2 Corinthiens 3, 1. Ce qui faisait parler ainsi ce grand apôtre, c'est que les vertus imprimées par sa prédication et par ses travaux, dans le cœur des Corinthiens, étaient une lettre qui suffisait pour faire connaître quel il était, et les avantages qu'il pouvait tirer de sa présence, à quoi il ajoute que chacun pouvait lire et entendre cette lettre, parce qu'il n'y a point de nation, quelque barbare qu'elle soit, qui, encore qu'elle n'entende pas les paroles d'une langue, n'entende bien le langage du bon exemple et de la vertu, qui parle par des actions et donne du respect et de l'estime pour ceux qui instruisent de la sorte. Ce même apôtre dit aussi ailleurs, les serviteurs chrétiens doivent témoigner en toutes choses une entière fidélité, afin que leur conduite fasse révérer à tout le monde la doctrine de Dieu, notre Sauveur, Tite 2, 10, c'est-à-dire que leur vie soit telle, qu'elle rend témoignage de la vérité de la foi chrétienne, et comme Jésus-Christ, qui est la sagesse infinie, c'est que cela nous importe de tout, il a eu soin de nous en instruire dans sa prière à son Père éternel, lorsqu'il dit, « Je vous prie qu'ils soient un tous ensemble, et comme vous, mon Père, êtes en moi et moi en vous, qu'ils soient de même un en nous, afin que le monde croie que vous m'avez envoyé, Jean, 17, 21. » C'est une grande vérité dite par ce Rédempteur du monde, qui est la suprême vérité, que si nous, qui sommes chrétiens, accomplissions parfaitement la loi dont le principal commandement est la charité, les autres hommes seraient touchés d'une telle admiration de ce que leur étant égaux en nature, nous les surpassions si fort en vertu, que nous voyant agir d'une manière qui va au-delà de leur force, ils seraient contraints de croire que ce serait par l'Esprit de Dieu, ils le glorifieraient de répandre tant de grâce sur ceux qui le servent, et ils entreraient dans nos sentiments sans pouvoir plus y résister. Ainsi, nous serions le livre de Jésus-Christ dans lequel chacun pourrait voir ce qu'il est obligé de faire. Nous ferions révérer l'excellence de sa doctrine, et la pureté de nos actions répandrait une si bonne odeur, qu'elle lui attirerait mille louanges. Mais comme vous savez, Seigneur, qu'il y a et qu'il y aura toujours dans votre Église des personnes dont la vertu éclate d'une si pure lumière, que, si les infidèles voulaient ouvrir les yeux pour la regarder, ils pourraient connaître la vérité et se sauver. Vous savez aussi, mon Dieu, que cette Église étant composée de bons et de mauvais chrétiens, il y en a plusieurs qui, non, seulement ne travaillent point à faire que les infidèles vous connaissent et vous honorent, mais au contraire sont cause qu'ils s'éloignent encore davantage de vous et s'aveuglent de plus en plus. Ainsi, au lieu de l'honneur que la sainteté du christianisme les devrait porter à vous rendre, ils vous blasphèment encore davantage, parce qu'ils ne sauraient croire que ceux dont la vie est si déréglée soient des ministres d'un Dieu véritable. Mais vous vous réservez pour ce grand jour à leur témoigner combien vous vous tenez offensés d'un si grand péché. Vous leur direz alors, vous avez été cause que mon nom a été blasphémé par les infidèles, et les punirez par de terribles châtiments. De ce qu'au lieu d'avoir ramené à vous ceux qui s'en étaient éloignés, ils les en ont empêchés et en ont éloigné ceux qui auparavant vous étaient unis. Alors chacun verra clairement qu'encore que vous ayez de méchants serviteurs, vous ne laissez pas d'être parfaitement bons, puisque leurs mauvaises actions sont contraires à vos commandements, qu'elles vous sont si désagréables et que vous les châtiez si sévèrement. Chapitre 35. Que la conscience de ceux qui embrassent la vertu leur rend témoignage de la vérité de notre foi, que la mauvaise vie, au contraire, empêche de la connaître et contribue beaucoup à la faire perdre lors même qu'on la connaît. Comme il est certain, fidèle épouse de Jésus-Christ, que plus les témoins sont proches et connus, et plus on ajoute de foi à la vérité qu'il dépose, encore que les moyens que je vous ai proposés puissent passer pour de bons témoins de la vérité de notre foi, en voici d'autres qui sont plus croyables, puisqu'ils ne sont pas seulement plus proches de vous, mais sont dans vous-même, et qu'ainsi ils ne vous diront rien dont vous n'ayez une particulière connaissance, puisque vous ne sauriez ignorer ce qui se passe dans votre cœur, et que notre Seigneur dit, « On n'a qu'à accomplir la volonté de mon Père pour connaître que la doctrine que je vous enseigne vient de lui, si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, il connaîtra si ma doctrine est de lui, ou si je parle de moi-même. » Jean 7, 17. Béni soyez-vous, mon Dieu, de nous apprendre que votre doctrine est si véritable qu'il n'y a personne à qui vous ne laissiez la liberté d'en juger, avec cette seule condition d'être résolu de faire la volonté de votre Père et désirer de se sauver, car il est sans doute que quiconque a un véritable désir de se bien conduire envers Dieu, envers lui-même, et envers le prochain, et de choisir pour cela les meilleures instructions, si on lui proposait toutes les diverses lois et les divers sentiments touchant la religion qu'il y ait jamais eu dans le monde, et qu'il fût dépouillé de passion, afin de ne chercher que la vérité, il rejetterait toute autre doctrine que celle de la religion chrétienne, lorsqu'il en aurait l'intelligence, comme étant la plus capable de le faire réussir dans son dessein, et quand il commencerait à pratiquer la vertu qu'elle enseigne, l'expérience lui ferait voir quelle est la force de cette doctrine, l'avantage que notre âme en peut tirer, le pouvoir qu'elle a de remédier à nos besoins et de nous aider à devenir en peu de temps tel que nous le devons être. Ce qui lui ferait aisément connaître qu'elle vient de Dieu. Il dirait alors, comme quelques-uns de ceux qui entendent dire parler notre Seigneur, « Jamais homme n'a parlé de la sorte », Jean 7. Que si l'on rapportait à ceux qui ne croient point en lui ces autres charitables paroles qu'il a dites avec tant de bonté, « Si quelqu'un a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, Jean 7, 37, et qu'ils en voulussent éprouver les faits avec un véritable désir de devenir vertueux, je ne doute point qu'ils ne sortissent de l'aveuglement de leur incrédulité, mais comme ils n'aiment que le monde, et ne recherchent ni la vertu ni la vérité, ni la connaissance de Dieu, il n'y a pas sujet de s'étonner qu'ils demeurent dans leur ignorance, et quand ils écouteraient ce qu'on en dirait, cela ne ferait point d'impression dans leur esprit et dans leur cœur, parce qu'ils ne s'accorderaient pas avec leurs désirs. C'est ce qu'a fait dire à Jésus-Christ, en parlant aux pharisiens, « Comment pourriez-vous croire, vous qui recherchez la gloire que vous vous donnez les uns aux autres ?» et qui ne recherchez point ta gloire qui vient de Dieu seul, Jean, 5, 44. Saint Paul dit aussi que quelques-uns, en se laissant emporter à l'avarice, avaient perdu la foi. 1, Timothée, 6. Non que le péché la fasse perdre, s'il n'est accompagné d'hérésie, mais parce qu'en s'affectionnant aux choses du monde et en perdant l'affection que l'on avait à la vertu et à la doctrine du christianisme à cause qu'elle enseigne des vérités contraires à nos mauvais désirs et les condamne sous de grandes peines, on s'engage peu à peu dans la créance d'une mauvaise doctrine qui les flatte. Ainsi l'indisposition du cœur aveugle l'entendement et lui fait abandonner la foi qui s'oppose à sa malice pour embrasser des opinions conformes à son désir et à une manière de vie qui ne leur donne aucune contrainte. Or, comme la corruption de la volonté fait quelquefois perdre la foi à ceux qui l'ont et l'empêche ceux qui ne l'ont pas de la recevoir, parce que les uns et les autres ont de l'aversion pour la parfaite vertu, sans en pouvoir alléguer d'autres raisons, sinon qu'elle est trop sévère, et ils n'en ont pas moins pour la véritable foi, parce qu'elle est contraire à leurs mauvaises inclinations et qu'ils les aiment. Chapitre 36. Que l'admirable changement des cœurs endurcis dans le péché et les grâces que Dieu fait à ceux qui se convertissent à lui et qui l'invoquent sont de grands témoignages de la vérité de notre foi. Qu'heureux sont ceux qui embrassent la vertu par un désir sincère de servir Dieu, car encore que tous ceux qui le servent trouvent en eux-mêmes, s'ils y font attention, des marques des avantages que donne la foi. Ils ne sont particulièrement bien connus que de ceux qui pratiquent la vertu. Plusieurs d'entre eux étaient auparavant si misérables, qu'ils n'étaient pas seulement esclaves du vice, mais résolus d'y persévérer, et un sermon, ou une inspiration de Dieu, ou quelqu'un des autres moyens qui se trouvent dans l'Église catholique, les touche tellement qu'ils sentent comme une main toute puissante qui brise leurs chaînes et les change de telle sorte qu'ils ont une aussi grande horreur du péché qu'ils s'y plaisaient auparavant. Ainsi ils peuvent dire avec David, « Le mensonge et l'iniquité me sont en haine et en abomination, mais votre loi est tout mon amour. » Psaume 118, 163. Et ils font une si forte résolution de me plus pécher qu'ils peuvent dire, avec saint Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les futures, ni la violence, ni ce qu'il y a au plus haut des cieux ou au plus profond des enfers, ni toutes les autres créatures, ne nous pourrons jamais séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38. Or, qui a pu faire si promptement un si grand miracle et un si heureux changement, sinon celui qui a fait sortir d'une roche une source d'eau vive, et rendu la vie aux morts? Ce sont des effets de ce Dieu tout-puissant, en qui l'on croit et que l'on aime dans l'Église chrétienne, et opéré par les moyens qu'elle nous enseigne. Que si l'on passe encore plus avant, comme font plusieurs, et qu'en renonçant à tout le reste, ils ne s'occupent qu'à servir Dieu qui a rompu leur lien, et marchent dans ce chemin étroit de la vie spirituelle qui conduit à la véritable vie, ils éprouveront, comme dit David, Psaume 106, qu'encore qu'ils soient souvent agités par de si grandes tempêtes qu'elles leur font abandonner le timon, ils n'ont pas plutôt imploré l'assistance de Jésus-Christ, ou été consolés par les prêtres, ou lui ou entendu quelques paroles de l'Écriture, ou reçu d'autres secours qui ne se rencontrent que dans l'Église, que toute leur peine cesse et qu'ils se trouvent dans un tel calme qu'ils peuvent dire, avec les apôtres, quel est celui, si à qui les vents et la mer obéissent, Matthieu, 8, 27. Saint Bernard dit avoir souvent éprouvé que l'invocation du nom de Jésus-Christ est le véritable remède de toutes les maladies de l'âme, et plusieurs saints, avant lui et après lui, ont assuré la même chose, entre lesquels Saint Jérôme, qui est un témoin digne de foi, rapporte, comme je l'ai déjà dit, qu'une tentation l'ayant réduit en tel état qu'il ne savait plus que devenir, il se jeta aux pieds de Jésus-Christ, implora son aide par une fervente prière, et en fut aussitôt délivré d'une manière si merveilleuse que, passant de cette extrémité à une autre, il lui semblait d'être entre les cœurs des anges. Car ce divin secours ne fait pas seulement cesser les tentations en la manière que l'application de la pensée à d'autres choses ou de semblables causes les font cesser, mais c'est une faveur de Dieu qui les met dans un état tout contraire à celui où ils étaient, et quiconque aura éprouvé ce grand et si soudain changement n'aura pas de peine à connaître que les hommes n'y ont point de part. Il vient de Dieu seul par des voies qui ne se rencontrent que dans la religion chrétienne. Selon ce que saint Paul dit, que Jésus-Christ est la force et la sagesse de Dieu à ceux qui sont appelés de lui, 1 Corinthiens 1, 24 parce que, lorsqu'ils ont recours à lui dans la tribulation, il les éclaire et les fortifie, pour les rendre capables de surmonter toutes sortes d'obstacles, de chanter, avec David, « La gloire du Seigneur est grande », psaume 137, et de sentir en eux-mêmes ce que dit ailleurs ce même roi, « En quelque temps que je vous ai invoqué, j'ai reconnu que vous êtes mon Dieu », psaume 55, 10. Parce que la manière si prompte et si puissante dont Dieu assiste est une preuve qu'il est le Dieu véritable et qu'il prend soin de ceux qui sont à lui, sur quoi je n'allègue point les révélations et les visions célestes, parce qu'elles sont miraculeuses, mais je me contente de parler de ce qui arrive assez ordinairement et dont plusieurs personnes qui l'éprouvent peuvent rendre témoignage. Chapitre 37. Que Dieu fait de très grandes grâces à ceux qui sont parfaitement vertueux, ce qui est une grande preuve de la vérité de notre foi, puisqu'elle nous apprend à nous en rendre dignes. Ceux qui marchent avec courage dans le chemin de la vertu ne se trouvent pas seulement délivrés par l'assistance de Jésus-Christ des périls où ils se rencontrent, mais il leur fait de si grandes grâces, que l'on peut dire d'eux avec vérité ces paroles de l'Évangile, « Le royaume de Dieu est dans eux », Luc 17, parce que saint Paul nous apprend que ce royaume consiste à avoir dans soi la justice, la joie et la paix au Saint-Esprit, Romains 14. Ainsi ils ont tant d'amour pour tout ce qui est juste et bon, que si les livres qui nous instruisent des règles de la vertu étaient perdus, on les trouverait écrites dans leur cœur, parce que leur amour pour elle y fait une si forte impression, qu'il devient comme une foi vivante qui la leur fait embrasser, leur fait fuir le vice et règle toutes leurs actions, selon le sentiment d'Aristote. De là vient qu'ils jouissent d'une si profonde paix et d'une si parfaite joie qu'il faut l'avoir éprouvée pour le pouvoir croire. Isaïe les compare à un grand fleuve et à ses golfes sans fond. Saint Paul dit, que cette paix de Dieu surpasse toute pensée. Philippiens 4, 7. Et Saint Pierre la nomme une joie ineffable et pleine de gloire. 1 Pierre 1, 8. C'est une manne cachée qui ne se donne qu'aux victorieux, et nuit que ceux qui ont cette parfaite vertu et jouissent de ce parfait repos, qui sont comme des gages et le commencement d'une éternelle félicité, me connaissent d'où ils procèdent, on ne saurait dire que ce soit du démon, puisque, Encore que pour nous tromper il conseille quelquefois de faire du bien, il ne peut nous rendre véritablement bons et nous porter à accomplir la loi naturelle qui, venant de Dieu, n'est pas mauvaise, parce qu'il n'est pas au pouvoir de cet esprit malheureux de donner une bonté qu'il n'a pas. Nous ne saurions aussi rien faire de bon par nous-mêmes, puisque la vertu nécessaire pour servir Dieu parfaitement est un don du Père des Lumières, selon ces paroles de Saint Jacques, « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et du Père des Lumières, Jacob, 1, 17. Et nous éprouvons souvent que Dieu nous garantit des maux que nous croyons ne pouvoir éviter, et nous fait des faveurs que nous n'aurions osé espérer. Puis donc que cette parfaite vertu ne vient ni du démon ni de l'homme, il faut qu'elle vienne de Dieu, qui nous l'inspire, lorsque nous l'invoquons et le servons selon que l'Église nous l'enseigne et la foi nous le fait connaître, et ce nous est une marque que notre foi est véritable. Puisque le mensonge ne saurait nous donner des connaissances capables de nous faire acquérir une parfaite vertu et d'invoquer Dieu, afin qu'il nous favorise par son assistance. C'est l'argument dont saint Paul se sert en écrivant aux Galates. « Je vous demande, dit-il, si ça a été par les œuvres de la loi ou par le moyen de la foi que vous avez reçu le Saint-Esprit, Galates 3, 5. Car c'était leur dire, puisque je vous ai prêché la foi et non pas l'ancienne loi, que vous avez cru et que vous vous êtes disposé à recevoir le Saint-Esprit, pourquoi retournez-vous maintenant à l'ancienne loi, après avoir éprouvé que sans elle et par le moyen seulement de la foi et de la pénitence, vous avez reçu le baptême ? Le Saint-Esprit, la grâce étant d'autres faveurs de Dieu. Ainsi, pour revenir à notre discours, la parfaite vertu que la foi nous fait acquérir et les autres moyens qu'elle nous enseigne pour nous faire avancer dans le service de Dieu, est une marque qu'elle est véritable, puisqu'elle nous procure un si grand bien. Ceux qui ont cette foi se trouvent si riches par les grâces qu'ils reçoivent de Jésus-Christ et ont une telle confiance en lui, qu'ils n'attendent point de Messie comme les Juifs, ni ne mettent point leur espérance, comme les Turcs, dans ce chimérique paradis que Mahomet leur promet. Car, méprisant, comme ils font, les plaisirs brutaux dont ce faux prophète flatte ses sectateurs, et les biens périssables que les Juifs attendent avec leur Messie, ils savent que les anciens prophètes ont prédit que lorsque le véritable Messie viendrait, il briserait les chaînes qui nous faisaient gémir sous la tyrannie du diable et du péché, Ézéchiel 34 qu'il nous donnerait un cœur nouveau, idem, 36, et qu'il écrirait sa loi dans le cœur de ceux qui la recevraient, Jérémie, 31. Or, ce que toutes ces choses ont été accomplies et que nous en ressentons les effets, nous est un témoignage qui ne nous permet pas de douter que Jésus-Christ ne soit venu. Ces preuves et autres semblables qui se passent dans nous, même nous remplissent d'une telle joie et nous mettent dans une telle paix par notre confiance en ce divin Sauveur, que si l'on nous disait qu'un autre Christ est ici ou qu'il est là, nous ne le croirions pas, Matthieu, 24, 23, parce qu'il n'y en peut avoir qu'un de véritable, et que celui en qui nous croyons, ayant toutes les qualités qui le peuvent rendre tel, la même foi qui nous oblige de croire en Jésus-Christ nous oblige aussi à rejeter tous les autres. Ne vous imaginez pas néanmoins, ma chère fille, que les chrétiens fondent leur créance sur ces sentiments qu'ils ont en eux-mêmes, car ce n'est que la foi que Dieu leur inspire qui la leur donne, comme je le ferai voir dans la suite. Mais je vous ai dit cela sur le sujet dont il s'agit, afin de vous faire connaître les diverses raisons que nous avons de croire, dont l'une est ces sentiments et ces expériences que les parfaits ont. Parce que cela ne se passant que dans le cœur, vous n'en trouverez rien dans les livres, ni n'en pourrez rien remarquer dans d'autres personnes, mais seulement dans vous-même, lorsque, vous efforçant d'arriver à une parfaite vertu, vous y trouverez ces témoins, dont j'ai ci-devant parlé, qui ne sont pas seulement très proches de vous, mais dans vous, et accomplirez ainsi ce que dit l'Écriture, « Buvez de l'eau de votre propre citerne », Proverbe 5, car vous verrez alors de si grandes choses dans vous, qu'il ne vous prendra point d'envie d'en aller chercher hors de vous. Chapitre 38. Que si l'on considère bien ce que c'est que de croire, et quelle est la grandeur et l'excellence de la foi du christianisme, on trouvera qu'en la recevant, on est obligé de servir Dieu. Lorsque l'on a assez de lumière pour connaître, et assez de jugement pour peser quelle est l'excellence de la foi, on n'a point besoin de chercher d'autres preuves pour la recevoir, parce qu'elle nous paraît si belle, que nous nous portons sans peine à l'aimer, car peut on avoir de la peine à comprendre qu'il est juste que les créatures servent de tout leur cœur et en toute chose leur Créateur. Personne n'ignore aussi que puisque Dieu est esprit, le principal service que nous devons lui rendre doit être spirituel par la ressemblance que nous avons en cela avec lui. Et comme la raison et la volonté sont des choses spirituelles et que chacun demeure d'accord que nous devons servir Dieu avec la volonté, on ne peut aussi nier que nous ne devions le servir avec l'entendement, puisque la raison veut que nous le servions avec les plus nobles de nos puissances qui sont l'entendement et la volonté, et que puisque l'obéissance est le service que nous lui rendons, il ne serait pas juste que l'entendement ne lui obéît pas aussi. Ainsi, comme cette obéissance de la volonté consiste à nous oublier nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu, le service que l'entendement lui doit rendre est de s'oublier lui, même pour croire ce que Dieu lui ordonne de croire. Car si ce service de l'entendement ne consistait qu'à penser ou à consentir en quelque sorte à ce que la raison lui fait comprendre, il ne mériterait pas d'être considéré comme un service, et il serait très méprisable, puisque l'obéissance n'y aurait aucune part, ou que si elle y en avait quelqu'une ce serait parce que Dieu commanderait à la volonté d'ordonner à l'entendement de s'appliquer à ce devoir. Mais pour faire que ce service et cette obéissance de l'entendement viennent de lui, même elle lui soit propre, il faut qu'il consente à ce qu'il ne comprend point, parce qu'alors il s'humilie véritablement, renonce à soi-même, obéit, se captive, et que, par le respect qu'il rend à la suprême volonté de Dieu, il accomplit ce que dit saint Paul, que nous devons captiver notre entendement pour nous soumettre à la foi, 2 Corinthiens 10, 5, ce qu'il nomme en un autre endroit l'obéissance de la foi. Puis donc que la bonté de Dieu nous oblige à l'aimer, et sa libéralité à attendre de lui des grâces et des faveurs, sa vérité ne nous oblige-t-elle pas aussi à le croire? Ainsi, comme l'obéissance que nous lui rendons dans ce qui regarde l'amour, présuppose que nous renonçons à notre amour propre, en nous détachant entièrement de nous pour nous attacher entièrement à lui. De même l'obéissance que nous devons rendre à sa vérité nous oblige de renoncer à nos sentiments pour croire plus fermement ce qu'elle nous enseigne, que si nous étions capables de le comprendre. Car autrement quel gré devrait-il nous savoir de croire ce qu'il dit, lorsque nous en serions persuadés par nous-mêmes? Mais il nous en sait de croire ce que nous ne comprenons pas, Parce que c'est comme prêter sans gage, marcher sans bâton et aimer pour l'amour de lui nos ennemis. C'est pourquoi, si l'on croit dans la vue de lui plaire, c'est une action de vertu qui mérite de lui être offerte et dont il nous récompense. Puis donc qu'il sanctifie notre volonté lorsque nous nous y dépouillons pour embrasser la sienne. Notre entendement ne doit pas être profane en demeurant dans son propre sentiment, au lieu d'obéir à Dieu, pour se rendre digne du bonheur de le voir clairement dans le ciel. Puis, comme dit saint Augustin, que la récompense de la foi est la vision de Dieu, et que par conséquent il n'est pas juste que l'entendement manque à le servir, en croyant ce que sa vérité lui ordonne de croire, ce qui est le seul service qu'il lui puisse rendre. Chapitre 39. Réponse à ce que l'on dit que notre foi enseigne des choses trop élevées pour être crues. Quelques-uns, touchés des raisons que j'ai représentées, pourraient dire qu'il est juste de croire ce que nous ne comprenons pas, lorsque Dieu le dit, mais qu'il ne s'ensuit pas de là que les chrétiens doivent croire ce qu'ils croient, puisque ce pourrait être d'autre chose que celle que Dieu nous aurait dite. Aveugles que vous êtes, que trouvez-vous à redire dans notre créance, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. C'est que ce que nous disons de la grandeur de Dieu est si élevé que vous ne le pouvez croire, et que ce que nous croyons de l'humilité de Jésus-Christ vous paraît si indigne d'un Dieu, que vous ne pouvez non plus y ajouter foi. Ainsi, par exemple, ce qui vous choque dans le mystère de la très sainte Trinité qu'il est si incompréhensible que les yeux de vos âmes ne pouvant supporter la splendeur d'une si vive lumière. Ils se ferment, et au lieu de le croire vous font dire, comment cela se peut-il faire, quoiqu'il n'y ait rien de plus conforme à la raison que d'avoir des sentiments très élevés du Dieu très haut, et de lui attribuer l'être le plus élevé et le plus parfait que nous saurions nous imaginer, puisque quelque élevé que soient les choses que nous en pouvons comprendre, nous devons croire qu'il y en a encore de beaucoup plus grandes et qui vont infiniment au-delà de ce que nous saurions concevoir. C'est le moyen d'honorer Dieu, de le reconnaître pour un Dieu, et pour un Dieu aussi grand qu'il est. Car si notre entendement était capable de connaître sa grandeur dans toute son étendue, ce ne serait pas un grand Dieu, et par conséquent il ne serait point Dieu, puisque, pour être Dieu, il faut qu'il soit infini, et que ce qui est infini ne saurait être compris par une créature qui n'est pas infinie, que s'il est bon que Dieu se communique parfaitement. Puisqu'une parfaite bonté demande une communication parfaite, il faut que cette communication parfaite soit de tout lui-même et de toute son essence, afin qu'il se trouve en lui cette parfaite fécondité qui est digne d'un Dieu, et non pas une stérilité indigne de lui, selon ses paroles d'Isaïe, « Demeurez, je stérile, moi qui donne la fécondité aux autres », Isaïe, 66. Il est vrai que Dieu en créant les anges, les hommes et le monde, et en les comblant de ses faveurs, s'est communiqué à eux, mais ce n'a pas été par une fécondité et une communication d'un bien infini, puisque ne leur ayant pas donné son essence en leur donnant l'être, il n'aurait pas laissé de demeurer un Dieu solitaire au milieu de ce grand nombre de créatures, parce qu'il y aurait toujours eu entre lui et elles une disproportion infinie, de même qu'Adam qu'environné de cette grande multitude d'animaux et d'autres créatures dont Dieu avait rempli le monde pour l'amour de lui, serait néanmoins demeuré seul. Si Dieu ne lui eût donné une compagne d'une nature semblable à la sienne, mais Dieu n'est pas solitaire, puisqu'il y a trois personnes divines dans une unité d'essence, ni stérile, ni avare, puisqu'il communique si libéralement cette divine essence. Ainsi ceux qui ne comprennent pas comment cela se peut faire, ne doivent pas laisser de le croire, et ils y sont d'autant plus obligés, qu'il est plus incompréhensible, parce que plus cela est élevé au-dessus de notre connaissance, plus il est digne de la suprême grandeur de Dieu. Chapitre 40. Réponse à ceux qui disent que notre foi enseigne des choses de Dieu qui sont trop basses, où il est montré que c'est en cela même que sa gloire éclate. L'humilité de Jésus-Christ ne doit non plus être une pierre d'achoppement dans la foi, par la difficulté de comprendre qu'un Dieu très haut s'est abaissé jusque se faire homme, à vivre dans la pauvreté, et à mourir sur une croix. Puisqu'il n'y a rien dans toutes ces choses qui ne soit digne d'un Dieu lorsqu'elles sont bien entendues, car il faudrait pour les rendre suspectes de quelque défaut que cet abaissement de Jésus-Christ procédât de ce qu'il ne pouvait l'éviter, ou qu'il lui eût fait perdre sa grandeur, ou qu'il y eût été poussé par quelque intérêt, mais pour avoir pris une autre nature en se faisant homme, il n'a pas laissé de demeurer Dieu, rien ne l'a contraint de descendre du ciel sur la terre, et il n'a pu avoir en cela aucun intérêt qui lui fût propre, puis qu'étant Dieu, il ne se peut rien ajouter à sa grandeur, à ses richesses et à sa félicité. Sa seule bonté et son amour pour les hommes l'ont porté employé, pour remédier à leurs maux. Le moyen qui marquait le plus d'amour pour eux et qui leur était le plus favorable, qui était de se faire homme et de mourir sur une croix, n'y ayant point de plus grand témoignage d'amour que de mourir pour ceux que l'on aime, et le sien pour nous a été d'autant plus admirable, que nous n'en sommes redevables qu'à son infinie bonté. Ainsi son abaissement et sa mort ne peuvent être attribués à un défaut de pouvoir et de sagesse, puis qu'étant tout puissant et tout sage, il pouvait employer plusieurs autres moyens pour nous sauver, et qu'il n'a choisi cela que par un excès de son amour, qui est d'autant plus grand que plus est grand ce Dieu qui nous aime, que plus ses souffrances sont excessives et que plus nous en sommes indignes. Sa mort n'a rien que de très grand et qui ne convienne à un Dieu, puisqu'elle nous fait connaître son infinie bonté, et que dans les choses spirituelles, la bonté et la grandeur sont inséparables, une action étant d'autant meilleure qu'elle est plus grande, et d'autant plus grande qu'elle est meilleure. Ce qui montre que comme c'est rendre un plus grand honneur à un homme de le louer d'être homme de bien, que d'avoir du courage et de l'esprit, parce qu'il n'y a personne qui ne veuille passer pour avoir de la probité. Nous ne saurions aussi rendre un plus grand honneur à Dieu que de le louer des grâces qu'il nous fait, puisqu'elles sont des preuves de sa bonté et de son amour pour nous. Ainsi, s'il paraît aux ignorants que cet abaissement d'un Dieu fait honte à son extrême grandeur, les sages jugent, au contraire, qu'il augmente l'honneur dû à sa bonté et par conséquent l'estime de sa suprême grandeur, bien loin de la diminuer. Mais sa bonté n'éclate pas seulement davantage dans ses actions d'abaissement et d'humilité que dans tout le reste, sa sagesse, sa puissance et ses autres adorables qualités s'y font aussi paraître. Parce qu'entre toutes les œuvres qu'il a faites et qu'il saurait jamais faire, nul autre ne saurait égaler ce grand et incomparable miracle par lequel on a vu un Dieu se faire homme et souffrir et mourir pour les hommes, et que ne le pas croire c'est vouloir ravir à Dieu l'honneur qui lui est dû pour la plus grande de ses merveilles. Considérez donc, ma chère fille, De quelle sorte la toute-puissance et la sagesse de Dieu éclatent en ce merveilleux ouvrage par lequel il a joint ensemble dans une même personne deux choses aussi éloignées et aussi disproportionnées que sont Dieu et l'homme? Voyez comme ça. Puissance paraît beaucoup plus dans la victoire qu'il a remportée sur le péché et sur la mort, sans avoir d'autres armes dans ce combat que notre faiblesse, que s'il y avait employé les siennes propres, qui sont son infini pouvoir à qui rien ne peut résister, ainsi que je l'ai dit en parlant du désespoir. Admirez que lorsqu'il s'était comme renfermé dans son immense grandeur, il n'était connu que d'un seul peuple qui, par une idolâtrie sacrilège, rendait soin à de faux dieux l'honneur qui lui était dû, et qui lors même qu'il lui demeurait fidèle, ne le servait que très imparfaitement, au lieu que depuis qu'il s'est rabaissé jusqu'à se faire homme, son abaissement et sa mort ont fait une telle impression dans les cœurs, que les grands se sont humiliés, les faibles sont devenus forts, les méchants bons, et il s'est fait un si grand changement dans le monde tant par le renoncement à l'idolâtrie que par le renouvellement des mœurs, que l'on a vu clairement l'effet de cette parole de notre divin Rédempteur. Quand on m'aura élevé de la terre pour m'attacher à une croix, je tirerai tout à moi, Jean 12, 32. On voit par là qu'il n'a régné dans le cœur des hommes que par l'abaissement, la faiblesse, les tourments et la mort, et c'est ainsi que s'est accomplie cette parole de saint Paul. Ce qui paraît en Dieu une faiblesse est plus fort que la force de tous les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. Car cela montre clairement que Dieu n'a pas seulement fait voir sa bonté, mais aussi sa sagesse et sa puissance lorsqu'en se revêtant de notre bassesse il a fait par elle des œuvres qui surpassent celles qu'il avait faites quand il se contentait de demeurer dans sa suprême grandeur. Ce qui a fait dire à cet apôtre en parlant de soi-même, « Je ne rougis point de l'évangile de Jésus-Christ, parce que l'évangile est la force et la vertu de Dieu pour sauver ceux qui croient. » Romains 1, 16. Ainsi les chrétiens ne doivent point rougir d'adorer un Dieu fait homme qui a souffert la faim, la soif, les opprobres, les tourments et la mort, puisque ça a été par cet abaissement et par ses souffrances qu'il a vaincu la mort et le péché, et qu'il nous a obtenu la grâce de Dieu et la participation de son royaume, qui sont des choses les plus grandes que l'on saurait s'imaginer. C'est pourquoi, comme Dieu mérite en cela une plus grande gloire que celle qui lui est due pour avoir créé le ciel, la terre, et tout ce qu'ils contiennent, on donne par excellence à ce grand ouvrage le nom d'ouvrage de Dieu selon ses paroles sorties de la bouche même de Jésus-Christ. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, Jean 4, 32, qui est la rédemption du genre humain, non qu'il n'ait fait que cela, mais, parce que son incarnation et la rédemption, qui sont cette œuvre, sont le plus grand de tous ses ouvrages et dont il se glorifie le plus. Car encore, comme dit Isaïe, que Dieu mérite une plus grande gloire d'avoir pour l'amour de son peuple affligé de tant de plaies les Égyptiens, de l'avoir par tant de miracles affranchi de servitude, et nourri durant tant d'années dans le désert par une nourriture tombée du ciel. C'est un incomparablement plus grand effet d'amour qu'un Dieu ait permis que l'on ait déchiré à coups de fouet sa chair sacrée pour sauver les hommes, et de ses ennemis qu'ils étaient, les avoir rendus ses amis. Car il y a grande différence entre la faveur que Dieu a faite à un peuple de le conduire durant plusieurs années à travers des déserts, De l'avoir porté sur ses ailes comme un aigle porte ses petits pour leur apprendre à voler et les soulager dans leur lassitude, et entreporter lui-même sur ses épaules une croix si pesante, par laquelle il s'est chargé de tous les péchés du monde, est mort pour en décharger les hommes. Qui ne voit donc que cet excès d'amour surpasse tout ce que l'on peut concevoir et que tout ce qu'il avait fait auparavant en notre faveur n'a rien qui lui soit comparable. Car, quand il se trouverait des hommes qui voudraient bien souffrir une mort honteuse pour sauver la vie et l'honneur à leurs amis, que serait-ce en comparaison de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, vu l'inégalité infinie qu'il y a entre lui et nous? Il n'y a pas sujet de s'étonner qu'un lion agisse en lion, mais qu'il souffre avec la douceur d'un agneau par un pur mouvement de bonté, c'est ce que l'on ne saurait trop admirer. Après le passage de la mer Rouge, les Israélites chantèrent un cantique à la louange de Dieu qui commençait par ces mots: chantons un cantique au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Exode 15, 1. Et nous devons maintenant en chanter un en disant: chantons un cantique au Seigneur, parce qu'il a rehaussé sa grandeur en s'humiliant, car alors un Dieu ne s'abaissait point, ne travaillait point pour nous acquérir le repos, et ne s'appauvrissait point pour nous enrichir, au lieu que maintenant un Dieu s'est abaissé jusqu'à souffrir la mort, et la mort de la croix, pour effacer nos péchés par son sang et nous élever dans le ciel, en quoi il a accompli ce qu'a dit Isaïe, que le buisson s'élèverait aussi haut que le sapin, et l'ortie que la myrte pour être un signe immuable et éternel entre Dieu et les hommes. Isaïe 55, 13. Ce signe est la croix en laquelle Jésus-Christ est mort pour changer des réprouvés en des élus, et ce signe subsistera à jamais. Chapitre 41. Que la gloire de Jésus-Christ n'éclate pas seulement dans ses abaissements, mais que nous en recevons aussi de grands avantages. La gloire de Jésus-Christ n'éclate pas seulement d'une manière admirable dans son humanité et dans son humilité, mais elle nous procure de grands avantages, car rien ne nous élève tant que l'abaissement d'un Dieu qui s'est fait homme comme nous. Rien ne nous fortifie tant contre l'affaiblissement que nous cause le péché, que de savoir qu'un Dieu est mort pour nous en obtenir le pardon, en voulant bien s'en charger lui-même. Rien ne nous porte tant à l'aimer que de voir qu'il nous a aimés jusqu'à vouloir mourir pour nous, et rien ne nous fait en mépriser la prospérité, souffrir l'adversité, nous humilier devant Dieu et devant les hommes et embrasser toutes sortes de bonnes œuvres, que de savoir qu'un Dieu a éprouvé tous les maux de cette vie et nous a appris par son exemple à nous efforcer de les supporter. Puis donc que l'humilité et l'abaissement sont glorieuses à Dieu et utiles aux hommes, c'est une marque qu'ils sont l'ouvrage de Dieu, parce qu'il ne fait rien qui ne tende à la manifestation de sa gloire et à notre avantage. Ainsi on ne peut manquer à révérer cet adorable abaissement sans vouloir ravir à Dieu la plus grande gloire qu'on lui saurait rendre, sans priver les hommes du plus grand bien qui leur peut arriver, et sans se déclarer ennemi du Créateur et des créatures par un crime digne d'une mort éternelle. Car si Dieu demandait pourquoi l'on n'aurait pas cru de lui des choses conformes à sa grandeur, et qu'on lui répondit que c'est parce qu'on ne l'a pas cru assez grand pour les croire, et qu'il demanda pourquoi on n'aurait pas voulu croire de lui des choses qui, étant humbles et conformes à son humanité, étaient des témoignages de sa bonté et de son amour, et qu'on lui répondit que c'est parce que l'on ne pensait pas que cette bonté et cet amour allassent jusqu'à vouloir tant faire et tant souffrir pour les hommes. N'est-il pas visible que ces réponses offenseraient également notre Seigneur, puisque l'on ne saurait, sans avoir une trop basse opinion de lui, vouloir mettre des bornes à sa grandeur et à sa bonté, et se rendre aussi digne de l'enfer par l'outrage qu'on lui ferait. Ne doit-on pas donc par rien répondre à ces deux questions, dire, il n'y a rien, Seigneur, que nous ne croyions de votre grandeur et de votre bonté, sachant que vous êtes infini en tout, et que nous serions bien malheureux si nous trouvions quelque chose à redire dans vos œuvres, puisqu'elles montrent que votre bonté et votre amour pour nous vont jusqu'à l'excès aussi bien que notre ingratitude. Car ayant tant reçu de faveur de vous et n'y ayant personne qui ne doive souhaiter que vous lui soyez plutôt un père doux et prêt à lui pardonner, que non pas un juge rigoureux qui le fasse trembler par l'appréhension du châtiment, combien sommes-nous obligés de nous attacher à vous après avoir reçu tant d'effets de votre bonté et de votre amour? Que s'il avait été au pouvoir les hommes de choisir la manière dont Dieu les devrait traiter, les retirer du malheur dans lequel le péché de nos premiers parents nous a fait tomber, en aurait-il pu choisir une autre que celle dont il s'est servi, puisqu'il n'y en a point qui lui soit plus honorable et qui nous soit plus avantageuse. Chapitre 42. Que la manière dont notre foi a été prêchée et reçue montre qu'elle est infaillible. Rien ne peut mieux faire connaître la vérité de notre foi que la manière dont elle a été reçue dans le monde, car ce n'a été ni par la force des armes, ni par la faveur des grands, ni par une sagesse humaine. Dieu seul l'a établi par quelques pauvres pécheurs sans lettres et sans assistance de personne, malgré la puissance des empereurs, le pouvoir des prêtres juifs et gentils, et la vaine science des philosophes. Elle est tellement demeurée victorieuse de tout ce qu'il y avait de plus grand et de plus redoutable sur la terre, qu'elle les a fait renoncer à leur ancienne et fausse créance, pour embrasser de tout leur cœur des vérités si élevées au-dessus de leur raison. Peut-on considérer autrement que comme un grand miracle de Dieu l'autorité que cette religion et s'est acquise dans la chose du monde la plus importante? Peut-on voir sans étonnement que ceux qui condamnaient à la mort les personnes qui la professaient se sont eux-mêmes exposés à la mort pour la soutenir avec encore plus de zèle qu'ils n'en avaient pour l'opprimer? Rien ne peut être plus opposé que la pureté de l'Évangile et nos brutales inclinations. Je sais, dit saint Paul, que la loi est spirituelle, mais que moi je suis charnel, étant comme vendu pour être assujetti au péché, Romains 7. Cette loi néanmoins a été reçue, et la puissance de Jésus-Christ a donné une telle force pour l'accomplir qu'il a paru manifestement qu'ainsi qu'il avait premièrement donné l'être à tous les hommes, il leur donne un nouvel être et en fait comme de nouvelles créatures. Si cette foi n'avait été prêchée qu'à des nations brutales, telles que sont les Arabes que Mahomet a persuadés par ses mensonges, ou à d'autres nations semblables faciles à tromper par des imposteurs, on pourrait avoir quelques soupçons qu'elle ne fût pas véritable, mais elle a été annoncée dans la Judée, à ce peuple si instruit dans la connaissance de Dieu et dépositaire de ses divines écritures, dans la Grèce qui était comme le siège de la science et de la sagesse humaine la plus élevée, et dans Rome, cette ville, impératrice qui donnait des lois au reste du monde. Elle s'est répandue depuis dans toutes les parties de l'univers, elle y a été reçue et l'on a vu l'effet de ce titre de la croix qui marquait le triomphe de Jésus-Christ, parce qu'étant écrit hébreu, en grec et en latin, qui étaient les trois principales de toutes les langues, il signifiait qu'il serait reconnu pour roi de toutes les nations. Que si ça a été par de puissantes raisons que ces peuples ont embrassé cette religion, Nous devons, par les mêmes raisons, en être persuadés, et si ce n'a pas été par des raisonnements humains qu'ils ont reçu la foi, on ne saurait douter que ce n'ait été par une lumière envoyée de Dieu, puisqu'étant si habiles, si attachés à leur ancienne créance, et si puissants, rien n'aurait autrement été capable de leur faire embrasser des vérités auxquelles ils étaient si opposés. C'est ce qui a fait dire à saint Augustin que celui qui, voyant la foi répandue par tout le monde, me la reçoit pas, ou demande de nouveau miracle pour la croire, est lui-même un épouvantable prodige, puisqu'il refuse de suivre le sentiment que tant de grands esprits, et si sages, ont embrassé, et si fortement et constamment soutenu. Combien nous, à qui Dieu a fait la grâce d'être chrétiens, sommes-nous donc obligés de demeurer fermes dans cette créance, vu que depuis la création du monde nul homme n'a paru si éminent en doctrine, et n'a fait tant d'actions héroïques que Jésus-Christ, notre Seigneur? Il n'a pas seulement déclaré qu'il était le Dieu véritable, mais il a prouvé par l'Écriture sainte, par un très grand nombre de miracles, et par le témoignage de saint Jean Baptiste, qui en a été un témoin si public et si reçu de tout le monde, qu'il est sans reproche. Cette foi, ayant continué d'être prêchée dans l'Église catholique, elle y a aussi été prouvée et confirmée par une multitude innombrable de miracles. Nul autre n'a jamais rendu un si grand honneur à Dieu, et elle enseigne si parfaitement à le servir, que l'on ne saurait lire l'Évangile sans en être persuadé. On n'a jamais vu aussi des peuples vivre dans une si grande sainteté que les chrétiens, ni qui ait prêché d'une manière si forte la grandeur des récompenses que Dieu, par son amour pour la vertu, prépare aux gens de bien, et de quels épouvantables châtiments sa haine pour le vice fait qu'il menace les méchants. Comment Dieu souffrirait-il une doctrine qui, si elle n'était véritable, lui serait si injurieuse que d'attribuer faussement à notre nature une égalité et une unité d'essence avec lui? Aurait-il si rigoureusement châtié les Juifs d'avoir crucifié celui qui a apporté dans le monde cette doctrine? Aurait-il fait tant de miracles pour la confirmer? Et si nous étions trompés en la croyant, ne pourrions-nous pas dire, avec Ricard, que ce serait lui qui nous aurait trompés, parce que cette créance porte avec elle tant de vraisemblance, et est accompagnée de tant de prodiges, qu'il faut être Dieu pour les pouvoir faire? Mais, comme il est impossible que Dieu nous trompe, il est impossible aussi que nous soyons trompés en la croyant, qu'il soit glorifié à jamais. Chapitre 43. Que notre foi est si élevée qu'il est impossible de l'avoir sans une grâce particulière de Dieu. Fidèle servant de Jésus-Christ, je vous ai rapporté jusqu'ici quelques-unes des raisons qui font voir la pureté de la foi catholique. Et n'y a point de nation dans le monde qui ait tant de sujets que nous de croire qu'elle est dans la véritable religion. Mais elle est si élevée, que vous ne devez pas vous imaginer qu'encore que vous compreniez bien ses raisons et toutes celles qui s'y pourraient ajouter, et que vous vissiez de vos yeux des miracles qui les confirmassent, vous puissiez par vous même acquérir cette foi. Car comme Dieu seul nous enseigne par la voix de son Église ce que nous devons croire, lui seul peut aussi nous le faire croire. Il n'y a que lui qui puisse nous en instruire en nous inspirant cette foi, selon ce que Jésus-Christ a dit, que les prophètes avaient écrit que tous seraient instruits de Dieu, Isaïe, 54 et que lorsque saint Pierre le reconnut pour le véritable Fils de Dieu et le Messie promis par la loi, il lui répondit, pour lui faire connaître que ce n'était pas par lui-même, mais par une foi inspirée de Dieu, qu'il avait compris cette vérité, « Vous êtes bienheureux, Simon, fils de Jean, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui vous ont révélé ceci, mais mon Père, qui est dans le ciel, Matthieu, 16, 17, et ailleurs, tous ceux que mon Père me donne viendront à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Jean, 6, 37. C'est là cette sainte et admirable école, où le Père éternel est celui qui enseigne, où la doctrine qu'il enseigne est la foi en Jésus-Christ, son Fils, et où l'on n'arrive que par le chemin de la foi et de l'amour. Cette foi n'est appuyée sur aucune raison, parce que croire par la voie de la raison n'est pas croire, en sorte que l'esprit soit tellement persuadé, qu'il ne lui puisse rester quelques doutes et quelques scrupules, mais qu'au contraire la foi que Dieu nous inspire et qu'il répand dans nos cœurs, est établie de telle sorte sur la vérité divine, que nous la croyons beaucoup plus fermement que ce que nous voyons de nos yeux, que ce que nous touchons de nos mains, et avec plus de certitude que nous ne sommes persuadés que 4 est plus que 3, et autre chose semblable que notre esprit voit si clairement, qu'il ne saurait en douter. Lorsque l'on est persuadé de la sorte, on dit à toutes les raisons que l'on avait de croire, ce que les Samaritains dirent à cette femme qui avait eu le bonheur de parler si longtemps à Jésus-Christ. Ce n'est plus sur ce que vous nous en avez rapporté que nous croyons en lui, car nous l'avons ouï nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde, Jean 4, 42. Or, encore que ce peuple usât de ce mot, nous savons, ne pensez pas que ceux qui croient aient cette clarté d'évidence que les philosophes nomment science, puisque l'entendement, comme je l'ai dit, ne saurait par son raisonnement acquérir cette clarté des choses de la foi, ni la loi avoir cette évidence, parce qu'elle ne serait plus foi et n'aurait aucun mérite. On donne le nom de vue à la foi qui est dans l'entendement, mais parce que cette vue n'est pas accompagnée d'une claire évidence, saint Paul dit, nous ne voyons maintenant que comme en un miroir et en des énigmes, mais alors nous verrons Dieu face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Ainsi ces Samaritains disaient qu'ils savaient que Jésus-Christ était le Sauveur du monde, parce qu'ils le croyaient aussi fermement et encore davantage que ce que l'on sait dans le monde avec le plus de certitude, à cause, comme je l'ai dit, que la foi qui est infuse de Dieu fonde sa créance sur la vérité de Dieu, et que cette vérité étant infinie, elle est beaucoup plus certaine que toutes les autres vérités, qui n'ont de force que ce qu'elle tire d'elle, ce qui fait que celui qui croit est assuré de ne pouvoir être trompé dans sa créance, parce que Dieu ne peut jamais cesser d'être véritable. Cette certitude surpasse tellement toutes les autres, que celui qui l'a ne saurait avoir la moindre pensée contre la foi, ou, s'il lui en vient quelqu'une elle passe en un moment, car ses pensées n'étant qu'extérieures, l'entendement n'y consent point, mais demeure toujours ferme dans sa créance, parce qu'elle est fondée sur cette pierre immobile, qui est cette suprême vérité, que seul il regarde, et que ni les vents, ni les vagues, ni les plus violentes tempêtes ne sauraient le moins du monde ébranler. Que si vous vous étonnez de ce que notre esprit, étant si changeant dans ses sentiments et dans les choses qui regardent la raison, il est si ferme dans sa foi, que tout ce qu'on lui peut dire au contraire, ni l'exemple de ceux qui y renoncent, ni les tourments, ni chose quelconque ne le saurait émouvoir, je réponds que cela seul doit suffire pour nous faire connaître que cette foi n'est pas un ouvrage que nous puissions attribuer à nos propres forces, car la foi, dit saint Paul, ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, afin que nul ne s'en glorifie, et que nous reconnaissions que c'est une grâce qu'il nous fait pur Jésus-Christ, son Fils, Éphésiens 2. Selon ces paroles de saint Pierre, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes devenus fidèles, 1 Pierre 1. Mais ne vous étonnez pas, ma fille, que Dieu fonde un si grand édifice sur un sable aussi mouvant qu'est l'esprit humain, puisque Jésus-Christ a dit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jean 6, 29. Ainsi, comme le dessein de Dieu est d'élever l'homme jusqu'à un tel degré de bonheur, que de le voir face à face dans le ciel, il ne veut pas que notre foi ne soit qu'humaine et appuyée seulement sur des raisons et sur des miracles, mais il veut que nous nous élevions au-dessus de la faiblesse de la nature pour croire avec certitude les mystères de la religion. C'est en ce sens que se doivent entendre ces paroles de saint Paul, « Nul ne peut confesser que Jésus, Christ est le Seigneur, sinon par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 1, 12, parce qu'encore, comme je le montrerai dans la suite, qu'il ne soit pas nécessaire pour croire d'être en la grâce du Saint-Esprit, on ne peut néanmoins croire sans une inspiration du Saint-Esprit, car cette grâce est une de ces grâces gratuites dont parle saint Paul, et ainsi la foi est une grâce qui porte l'entendement à croire la souveraine vérité, comme la volonté est portée par une autre grâce à aimer le souverain bien, et de même que le nord attire à lui l'aiguille de la boussole, Dieu me l'entendement, par la foi qui lui inspire, attendre toujours vers lui avec une ferme confiance en sa bonté, et fait qu'il y trouve sa satisfaction et son repos. Et lorsque cette foi est parfaite, elle est accompagnée d'une lumière qui, encore qu'elle ne lui fasse pas voir ce qu'elle croit, lui fait connaître qu'il n'y a rien de plus croyable. D'où vient que non seulement elle n'a pas peine à le croire, mais le croit avec un extrême plaisir, de même que la parfaite vertu se porte aisément, constamment et gaiement à faire le bien. C'est là cette foi que l'on ne saurait trop estimer, puisque par elle nous honorons Dieu comme saint Paul dit qu'Abraham l'honora, en croyant qu'il était si puissant, qu'il pouvait faire ce qu'il lui promettait, Romains 4. C'est ainsi que la foi rend honneur à Dieu, parce qu'elle nous fait connaître et croire ses infinies perfections. Elle est comme une tour que Dieu bâtit dans notre âme, du haut de laquelle nous pouvons découvrir, quoique obscurément, ce qu'il y a dans le ciel et dans l'enfer, quel a été le commencement du monde et quelle sera sa fin, parce que, quelque obscure que soient ces choses, elles ne sauraient se cacher aux yeux de la foi. L'exemple du bon larron nous le montre. Puisque ne voyant rien en Jésus-Christ crucifié que de méprisable selon le monde, sa foi lui fit percer le voile qui cachait sa grandeur aux yeux des hommes. Il le reconnut pour le Créateur du ciel et de la terre, le déclara hautement, et s'abaissa devant sa souveraine majesté avec une humilité profonde et une ferme confiance en sa miséricorde. C'est aussi la foi qui nous fait croire, ce que l'Église nous assure, que l'Écriture sainte est la parole de Dieu, que nous la recevons comme telle, encore qu'elle n'ait été écrite que par des hommes, et que nous n'ajoutons pas moins de foi à ce qu'un prophète ou un évangéliste rapporte, quoiqu'il n'ait pas vu ce qu'il écrit, qu'aux historiens qui écrivent ce qu'ils ont vu, Parce que la foi ne considère point ce qui n'est appuyé que sur des témoignages humains, mais seulement ce que Dieu a inspiré à ses grands saints de l'ancienne et de la nouvelle loi, pour en faire, par leurs écrits, connaître aux hommes la vérité, sans qu'ils puissent en cela se tromper, à cause qu'ils ne parlent que par son esprit. Ainsi encore que saint Pierre ait vu Jésus-Christ sur le mont Tabor, brillant de lumière comme le soleil, et entendu ces paroles de Dieu, « C'est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, Matthieu 17, 5. Néanmoins, si nous ne considérions son témoignage que comme celui d'un homme qui rapporte ce qu'il a vu et entendu, nous n'y ajouterions pas la même foi et n'en aurions pas la même certitude que nous avons pour la vérité des paroles des prophètes, qui assurent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, quoiqu'il ne l'ait vu ni entendu dire avec les yeux et les oreilles du corps. Mais c'est parce que l'Église a déclaré canonique et reçu comme parole de Dieu l'épître de saint Pierre, dans laquelle il dit avoir été spectateur, sur cette montagne, de la majesté de Jésus-Christ et entendu cette voix de Dieu, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » 2. Pierre 1, 16. Ce qui montre que le même Saint-Esprit a inspiré au prophète et à ce prince des apôtres de déclarer cette vérité. Dieu donne habituellement dans le baptême cette foi aux enfants, et la donne habituellement et actuellement tout ensemble aux personnes âgées qui ne l'ont pas, lorsqu'elles se disposent à la recevoir, parce que, voulant que tous se sauvent viennent à la connaissance de la vérité, sans laquelle il ne pourrait lui être agréable et se sauver, il ne la refuse à nul de ceux qui veulent bien la recevoir. Chapitre 44. Que nous ne saurions trop rendre grâce à Dieu de nous avoir donné la foi, et de quelle manière nous en devons user. Fidèles servants de Jésus-Christ, il n'y a point de chrétiens qui ne doivent, au moins le matin et le soir, remercier Dieu de tout son cœur d'une aussi grande grâce que celle qu'il lui a faite de lui donner la foi, ni trop s'efforcer de la conserver pure, et de considérer combien il nous importe d'en faire l'usage pour lequel nous l'avons reçue. Dieu nous la donne pour nous faire croire ce qu'il veut que nous croyions, et pour éclairer notre entendement d'une connaissance qui nous aide à exciter notre volonté à l'aimer et à garder ses commandements, afin de nous sauver par ce moyen. Mais c'est force trompée de s'imaginer que la foi seule suffise pour obtenir le pardon de nos péchés, puisque nul, comme dit saint Paul, ne peut confesser que Jésus est le Seigneur sinon par le Saint-Esprit, Corinthiens 11, 3. Ce qui fait voir que la même inspiration est nécessaire pour croire tous les articles de notre foi, et nous savons que Jésus-Christ a fait ce reproche à quelques-uns de ceux qui l'écoutaient. Pourquoi, m'appelez-vous Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis, Luc 5, 6. Puis donc que saint Paul dit que l'on ne peut appeler Jésus-Christ Seigneur que par une foi inspirée par le Saint-Esprit, et que ceux qui ne font pas ce qu'il leur commande ne sont pas en grâce. Il s'ensuit nécessairement que l'on peut avoir la foi sans être en grâce. Ce grand apôtre le confirme ailleurs par ses paroles, quand un homme aurait le don de prophétie, qu'il pénétrerait tous les mystères, qu'il aurait une parfaite science de toutes choses et une foi capable de transporter les montagnes, il ne serait rien, s'il n'avait la charité, Corinthiens 13, 2. Vous voyez par là, ma fille, que l'on peut avoir toutes les grâces dont parle ce saint, et être néanmoins en péché mortel, Si on n'a pas la charité, et qu'ainsi il n'y a point d'effort que l'on ne doit faire pour joindre cette vertu à la foi sans jamais les séparer. L'Écriture sainte nous apprend aussi que la justice s'acquiert par la foi, mais de croire que ce soit par la seule foi, c'est une invention humaine et une grande erreur, comme Jésus, Christ l'a fait connaître par ce qu'il dit aux pharisiens. En parlant de la Madeleine, beaucoup de péchés lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé, Luc 7, 47, ce qui ne montre pas moins clairement que l'amour doit accompagner la foi que d'autres endroits de l'Écriture montrent que pour être justifié, la foi doit accompagner l'amour, mais parce que l'amour est, comme la foi, l'une des dispositions et des causes qui nous font obtenir le pardon, on doit les joindre, et notre Seigneur l'a fait voir en parlant de l'un et de l'autre, sur le sujet de cette sainte pénitente, car ayant dit aux pharisiens que, parce qu'elle avait beaucoup aimé, ses péchés lui étaient pardonnés, il lui dit à elle, « Votre foi vous a sauvé, allez en paix, Luc 7, 50. » Ainsi lorsque ce divin sauveur avait dit que plusieurs péchés lui étaient pardonnés, parce qu'elle avait beaucoup aimé, il entendait dire parce qu'elle avait eu une grande foi, donnant à la cause par ses paroles le nom de l'effet, comme il paraît, parce qu'il avait demandé auparavant à ce pharisien lequel des deux débiteurs à qui leur commun créancier a le plus en moins remis l'aime davantage. Il finissait de mente par parler de l'amour et non pas de la foi. Ce qui me fait prendre la liberté de dire qu'il donne alors à l'amour le nom de foi, en prenant l'effet pour la cause, et qu'ainsi dans les endroits de l'Écriture qui portent que l'homme est justifié par la foi, on doit entendre par ce nom de foi, la charité qui procède de l'amour et non pas la foi toute seule, car c'est une manière de parler fort ordinaire et fort raisonnable de donner à l'effet le nom de la cause, et à la cause le nom de l'effet. Si donc on ne veut pas s'aveugler volontairement, il faut demeurer d'accord que notre Seigneur a parlé clairement dans l'occasion que je viens de rapporter, en donnant à la foi et à l'amour, qui est la charité, des noms qui leur conviennent, et qu'il faut, comme nous l'avons dit, avoir ces deux vertus pour être justifié. Notre Seigneur s'est servi de la même manière de parler, lorsqu'il dit « Mon Père vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. » Jean 16, 27. On ne saurait avoir cette foi et cet amour sans avoir de la douleur de ses péchés par le déplaisir d'avoir offensé un Dieu que l'on aime sur toute chose, comme il apparut dans la Madeleine et paraît dans les pécheurs qui se convertissent. L'Écriture marque par divers noms ces deux vertus nécessaires pour notre justification et les effets qu'elles produisent, car elle les appelle tantôt foi, tantôt amour, tantôt gémissement, tantôt la douleur de la pénitence, tantôt une humble oraison d'un pénitent qui dit à Dieu, « Seigneur, soyez favorable à ce pauvre pécheur », et tantôt la connaissance de son péché qui lui fait dire, comme David, « Seigneur, j'ai péché », et entendre aussitôt une parole favorable par laquelle il lui accorde le pardon de sa faute. Mais celui qui s'imaginerait qu'il suffirait de connaître son péché pour en obtenir le pardon, se tromperait fort, puisqu'encore que Caïn, Judas, plusieurs autres et particulièrement Saul aient connu leur péché, ils n'en ont pas obtenu le pardon, et que par conséquent l'on ne doit pas croire que la seule foi suffise pour être justifié. Sous prétexte qu'en quelques endroits l'Écriture ne parle que d'elle, car si cette raison avait lieu, on pourrait donc aussi exclure la foi, puisque l'Écriture n'en fait point de mention d'autres endroits, mais parle seulement de la pénitence ou de quelques-unes des choses que je viens de dire. C'est pourquoi la vérité catholique nous enseigne que la foi et la charité sont nécessaires pour rentrer dans la grâce de Dieu. Ainsi, ce que l'Écriture attribue souvent la justification à la foi, en disant que, devenant par elle enfant de Dieu, nous participons au mérite de Jésus-Christ et recevons d'autres faveurs qui conviennent à la grâce et à la charité, ne prouve pas que la foi seule suffise, mais signifie que lorsque l'Écriture attribue ses effets à la foi, elle entend parler d'une foi formée par la charité de qui elle tire la vie, et que ce qu'elle attribue aussi ses effets à la foi, n'est pas non plus parce qu'elle croit que la foi soit inséparable de l'amour, c'est-à-dire de la charité, puis, comme je l'ai remarqué, qu'on peut avoir une foi véritable, sans avoir la grâce et la charité que saint Paul dit clairement exceller par-dessus la foi et l'espérance, et quand notre Seigneur parle de la foi et de l'amour, c'est-à-dire de la charité, dans ce que j'ai rapporté de la Madeleine et de ses disciples, il nomme l'amour avant la foi, et donne ainsi le premier rang dans la perfection à ce qui est un acte de la volonté, quoique cet acte soit, en quelque manière, postérieur à celui de l'entendement qui appartient à la foi. Il faut aussi considérer qu'encore que, pour recouvrer la grâce, il soit nécessaire d'avoir reçu ou d'avoir dessein de recevoir le sacrement de baptême à l'égard des infidèles, et celui de la pénitence à l'égard des fidèles qui ont offensé Dieu mortellement, on ne parle pas si souvent dans l'Écriture de ces sacrements que de la foi, pour la raison que je dirai dans la suite, mais on ne laisse pas d'en parler. Afin que personne ne s'imagine que la foi ne soit pas nécessaire pour être justifié, car, saint Paul dit que Dieu sauve les hommes par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et que Jésus, Christ purifie son Église par un baptême d'eau avec des paroles de vie, Tite 3, 5. Si donc, à cause que l'Écriture dit que nous sommes justifiés par la foi, on voulait en inférer que les sacrements ne serviraient de rien, il faudrait, par la même raison, ne croire point la foi nécessaire, parce que l'Écriture dit aussi que le saint baptême donne le salut et purifie l'âme, que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et que celui qui ne croira point sera condamné, Marc 16, 16, et que Jésus-Christ dit à ses apôtres, « Les péchés seront remis à ceux, à qui vous les remettrez, Jean 20, 13. » Car, par conséquent, ce sacrement confère la grâce et la justification, puisque le pardon des péchés ne peut être accordé que par la grâce, laquelle est enfermée dans tous les sept sacrements de l'Église et se donne à tous ceux qui les reçoivent dignement, mais plus abondamment aux personnes qui font ces bonnes œuvres si signalées qu'elles portent la grâce avec elles, ce qui fait que l'on ne peut trop les estimer et s'efforcer de les pratiquer, comme l'Église catholique nous l'enseigne. Que si, dans la naissance de l'Église, on prêchait continuellement la foi, il y avait nécessité de le faire, parce qu'il fallait commencer à planter cette foi et la faire recevoir aux infidèles, à cause que c'était la porte par où ils devaient entrer dans le chemin du salut, et après y être entrés, être instruits par elle de ce qu'ils devaient croire et faire. Il fallait aussi alors faire connaître particulièrement le mystère et le prix de la passion et de la mort de Jésus-Christ qui venait d'être crucifié par un supplice si infâme, Car la foi de ce mystère qui nous oblige à croire que dans ce supplice, apparemment scienteux, c'était un Dieu qui, étant suspendu entre le ciel et la terre, y avait perdu la vie et opéré par ce moyen le salut du monde. Il était besoin de publier hardiment et continuellement cette foi qui change en honneur le déshonneur de la croix et relève si hautement ce qu'elle paraissait, aux yeux des hommes, avoir de bas et de méprisable. Elle fallait donc, je le répète encore, parler très souvent de la foi et la beaucoup relever, puisque cela importait à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur, des mérites et de la grandeur duquel elle rendait témoignage. Quant à ce que l'Écriture dit que c'est par cette foi que les hommes sont justifiés, il ne s'ensuit pas de là que ce soit par elle seule, mais cela marque seulement qu'elle est comme le principe, le fondement et la racine de tout le bien que l'on fait, comme le dit le Concile de Trente. Ainsi ceux qui prétendent que la seule foi soit capable de nous justifier, ne le font que pour se consoler dans leur tiédeur et le reproche que leur fait leur conscience de leur mauvaise vie, en s'imaginant que la foi suffit seule pour les mettre en assurance et demeurer dans la liberté de mal faire. Ils voudraient pouvoir acquérir le repos que donne la parfaite charité, sans souffrir les travaux que la parfaite vertu demande. Selon que l'on est plus ou moins vertueux, on a plus ou moins sujet d'espérer en la miséricorde de Dieu, mais, comme il n'y a personne qui sache s'il est digne d'amour ou de haine, vouloir faire croire à quelqu'un, avec la même certitude que l'on croit à un article de foi, que Dieu lui a pardonné, c'est une tromperie du diable, c'est une imagination de gens qui n'ont ni foi ni vertu, ennemis de toute obéissance, et qui marchent comme des aveugles dans la voie de Dieu, car autrement ils ne permettraient pas que cet ennemi de notre salut les trompât si facilement. Chapitre 45. Pourquoi Dieu a voulu nous sauver par la foi? De la soumission que nous devons avoir à ce qu'elle nous enseigne, et particulièrement à ce que Jésus-Christ a dit de sa propre bouche. L'ordre de ce traité voudrait qu'après vous avoir expliqué, ma chère fille, la première parole des versets qui en sont le sujet, je vous expliquasse la seconde, mais la première et la troisième ne se pouvant séparer. Il faut que je quitte la seconde pour venir à cette troisième. La voici donc, prêtez l'oreille. Sur quoi vous devez remarquer que la conduite de Dieu est si élevée et notre raison si faible et si facile à tromper, que sa sagesse infinie n'a pas voulu que ce fût par la connaissance, mais par la foi que nous assurassions notre salut. Car les hommes, comme dit saint Paul, n'ayant point connu la sagesse de Dieu, les uns sont tombés dans diverses erreurs en attribuant au soleil, à la lune, et à d'autres créatures la gloire qui n'est due qu'à Dieu, et d'autres qui l'ont connue par le moyen des créatures, en ont conçu une telle vanité, que Dieu, pour les punir de leur orgueil d'avoir abusé de la faveur qu'il leur avait faite de leur donner cette connaissance, la leur a ôté, et ainsi ils sont tombés dans les ténèbres de l'idolâtrie et dans autant de péchés que ceux qui n'avaient point connu Dieu. 1 Corinthiens 1. Car de même qu'après le péché des anges rebelles, Dieu ne voulut qu'aucune créature, qui fût capable de pécher, demeurât dans le ciel, ainsi, voyant que les hommes avaient abusé de leur raison et que, selon ce que dit saint Paul, ils n'avaient point connu Dieu par la sagesse qu'il leur avait donnée, il ne voulut pas que leur salut dépendît de leur raison et de leur sagesse, mais résolut de les sauver par la prédication des choses élevées au-dessus de la raison, et de rendre sages ceux qui, au lieu de les pénétrer, se contenterait de les croire. C'est pourquoi le Saint-Esprit, après avoir dit ces deux paroles, écoutez et voyez, il ajoute la troisième, prêtez l'oreille, pour nous faire entendre que nous devons absolument assujettir notre raison, si nous voulons que ce que nous avons entendu et vu, au lieu de nous procurer le salut, ne nous cause pas une mort éternelle. Car il est certain que plusieurs qui ont entendu la parole de Dieu et eu la connaissance de plusieurs mystères, bien loin d'en profiter par l'assujettissement de leur raison à la foi, n'y ont recherché qu'une vaine curiosité, et qu'ainsi la lumière dont Dieu les avait favorisés les a fait tomber dans un aveuglement déplorable. Si vous voulez donc, ma fille, ne vous point égarer dans le chemin du ciel, prêtez attentivement l'oreille, c'est-à-dire soumettez votre raison sans craindre d'être trompé. Soumettez-la, dis-je, avec un profond respect pour la parole de Dieu, et si vous ne l'entendez pas, gardez-vous bien néanmoins de penser que le Saint-Esprit se soit trompé, mais humiliez-vous et croyez, comme saint Augustin dit qu'il faisait, que la sublimité de ces divines paroles est ce qui vous empêche de les entendre, et qu'il n'y en a aucune dans toute une écriture sainte que vous ne deviez également croire, parce qu'elles sont toutes de foi, à cause qu'elles procèdent toutes de la suprême et souveraine vérité. Vous devez prendre un soin particulier de profiter de ces bienheureuses paroles qu'un Dieu fait homme a proférées de sa propre bouche lorsque son amour pour nous l'a fait descendre du ciel sur la terre. Ouvrez donc l'oreille de votre cœur, avec une dévote attention à chacune des paroles de ce divin Rédempteur, que son Père éternel nous a donné pour maître et pour précepteur. Lorsqu'il a dit, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, Matthieu, 15:2, 5. Vous ne sauriez avoir trop de soin de lire et relire ces divines paroles, puisque vous y trouverez assurément un plus particulier et plus souverain remède pour les besoins de votre âme. Qu'en nuls autres de toutes les paroles que Dieu a dites depuis la création du monde, et il n'y a pas sujet de s'en étonner, puisqu'il n'a parlé dans l'Ancien Testament que par l'entremise de ses serviteurs, au lieu qu'il a parlé lui, même dans le Nouveau. Gardez-vous donc bien de vous rendre indigne de la grâce qu'il nous a faite, lorsqu'après nous avoir donné l'être. Il a bien voulu venir dans le monde pour nous instruire et nous nourrir du lait de sa parole. Cette faveur est si grande, que si l'on disait qu'un Dieu prêche lui-même pour nous apprendre les moyens de nous sauver, il n'y aurait point de travaux et de périls qui dussent nous empêcher de venir des extrémités du monde pour l'entendre et nous rendre les disciples d'un maître non seulement éminent en sagesse, mais qui est la suprême et souveraine sagesse? Profitez donc d'une telle grâce et priez votre directeur de chercher dans l'Écriture sainte et dans la doctrine de l'Église des instructions propres à remédier aux besoins de votre âme, soit pour vous défendre des tentations, selon que Jésus-Christ nous en a donné l'exemple par son jeûne dans le désert, soit pour vous exciter à acquérir les vertus qui vous manquent, soit pour vous conduire comme vous devez envers Dieu, envers vous, même et envers le prochain, soit pour ne vous point élever dans la prospérité ni laisser abattre dans l'adversité, et soit enfin dans tout le reste de ce que vous devez faire pour vous avancer dans le chemin du ciel, en sorte que vous puissiez dire avec David, je tiens vos paroles cachées dans le fond de mon cœur, afin que je ne vous offense point, je méditerai sur vos préceptes et je tiendrai mes yeux arrêtés sur vos voies pour les suivre. Psaume 118, 11, 15. Ne vous laissez point aller à la curiosité de savoir davantage que ce qui est nécessaire pour votre conduite et des personnes dont vous êtes obligé de prendre soin. Remettez-vous du reste à ceux qui sont établis de Dieu dans l'Église pour instruire son peuple, et pratiquez cet avis de saint Paul, ne vous élevez point au-delà de ce que vous devez dans vos connaissances. Mais tenez-vous dans les bornes de la modération, Romains 12, 13. Chapitre 46. Qu'il n'appartient qu'à l'Église romaine de déclarer le sens de l'Écriture sainte, qu'il faut se rapporter de ce qu'elle n'a pas déclaré à l'explication que les saints en ont donnée, et quelle est la soumission que nous devons avoir pour cette sainte Église. Vous devez savoir, ma chère Phil, qu'il n'appartient pas à toutes sortes de personnes d'expliquer l'Écriture sainte, parce qu'encore qu'elle soit très certaine en elle-même, puisque c'est la parole de Dieu, l'explication que l'on y donnerait serait très incertaine, à cause que chacun la lui donnerait telle que bon lui semblerait. Au lieu qu'il nous importe de tout d'avoir une entière certitude de ce qu'elle nous oblige de croire, et de faire que nous soyons prêts à tout exposer et même notre vie, s'il en était besoin, pour en soutenir la vérité. Ce privilège d'expliquer les saintes Écritures n'a été donné de Dieu qu'à l'Église catholique, à cause que le même Saint-Esprit qui les a dictées habite en elle. Et pour ne point errer dans les choses qu'il a décidées, nous devons suivre l'unanime consentement des saints dans les explications qu'ils leur ont données. Car, sans cela, comment l'esprit humain pourrait-il bien entendre le sens de ce qui a été dicté par l'Esprit de Dieu, puisque pour bien entendre une chose écrite, c'est à celui qui l'a écrite à déclarer quel en est le sens. Vous devez savoir, de plus, qu'il n'appartient qu'au pape, comme ayant été établi de Dieu sur la terre pour chef de l'Église chrétienne, de déclarer ce qui est Écriture sainte et doit être tenu pour la parole de Dieu. Croyez fermement aussi, comme dit saint Jérôme, que quiconque mange l'agneau de Dieu hors de cette Église est un profane, et non pas un chrétien. Ni ayant que ceux, qu'elle enferme dans son sein qui puisse éviter de périr, de même qu'il n'y eut que ceux qui étaient dans l'arche avec Noé qui furent garantis de l'inondation du déluge. C'est cette Église dont l'Évangile nous commande d'écouter la voix et de considérer comme méchants et infidèles ceux qui ne l'écoutent pas, c'est cette Église que saint Paul dit être la ferme colonne de la vérité. C'est cette Église dont la lumière de la foi inspirée de Dieu, et dont nous avons si devant parlé, nous porte à avoir cette créance avec la même certitude que tous les autres articles de cette même foi. Ainsi, quoique des esprits superbes, trompés par le démon, se soient en ce temps séparés de l'Église, elle ne laisse pas d'être ce qu'elle était, et nous ne devons pas laisser d'y avoir la même créance. C'est pourquoi il n'y a ni révélation, ni explication, ni autre chose quelconque, quand elle paraîtrait venir d'un ange du ciel, qui doit faire ajouter foi à ce qu'on dirait contre elle, puisque ce ne pourrait être qu'un ange de ténèbres, et l'on doit encore moins s'arrêter à ce qu'on t'enseignait, qu'enseignent et qu'enseigneront les hérétiques passés, présents à venir, ces gens abandonnés de Dieu par son juste jugement, qui, suivant une fausse lumière, se perdent et sont cause de la perte de ceux qui embrassent leurs erreurs. Considérez ce qui est arrivé, dans les siècles passés, à ceux qui se sont séparés de la foi de l'Église. Et comment peut les comparer à un vent qui passe et se dissipe après avoir fait beaucoup de bruit? Considérez d'un autre côté la fermeté de cette foi, et de quelle sorte, Ayant continuellement été combattue depuis sa naissance, elle est toujours demeurée victorieuse, parce qu'elle est fondée sur cette pierre inébranlable contre laquelle les pluies, les fleuves, les vents et les portes de l'enfer ne sauraient jamais prévaloir, pour user des termes de l'Écriture. Fermez donc l'oreille à tout ce que l'on vous pourrait dire de contraire à la doctrine de l'Église, et demeurez ferme dans la créance qu'elle professe depuis tant de siècles et dans laquelle un si grand nombre de personnes ont trouvé le salut. Car quelle folie peut être plus grande que de quitter un chemin par lequel tant de personnes si sages et si saintes ont marché et sont arrivées au ciel, pour en prendre un qui n'a pour guide que des novateurs présomptueux et superbes qui, n'ayant nulle autorité et ne suivant que leur propre sens, veulent qu'on les croie sur leurs paroles, et de les préférer à cette grande multitude de saints signalés par leur sagesse toute divine, par la pureté de leur vie et par un si grand nombre de miracles. Luther a été en ces derniers temps le principal de ces faux docteurs, cet homme si charnel, qui avoue lui-même ne pouvoir vivre sans femme, et qui après que l'une fut morte en prit une seconde. Quoiqu'il eût devant les yeux l'exemple de tant de séculiers qui n'en ont eu qu'une, et de tant d'autres qui sont demeurés dans une perpétuelle continence pour s'employer entièrement au service de Dieu, peut-on croire que ce méchant homme eut l'esprit de Dieu, puisque celui dont il était animé ne pouvait pas seulement lui donner la force de garder la chasteté la plus commune. Quoiqu'en se faisant religieux il eût promis solennellement d'en conserver une très parfaite, et que tant d'autres qui accomplissaient leurs vœux lui montrassent l'exemple qu'il devait suivre. Ainsi, puisque notre Seigneur a dit que l'on juge de l'arbre par les fruits, il est facile de juger par ses inclinations tout terrestre et toute charnelle, et par d'autres vices encore plus grands. Que cet homme n'était animé que de l'esprit du démon. Ayez un peu de patience, ma fille, et vous verrez quelle sera la fin de ces méchants, vous verrez de quelle sorte Dieu les couvrira de confusion, les punira et fera connaître leurs erreurs, comme il a fait connaître celles des autres hérétiques qui les ont précédés. Chapitre 47. Que la perte de la foi est un terrible châtiment de Dieu, et que c'est avec justice qu'elle ôte à ceux qui ne vivent pas conformément à leur créance. Ceux qui ont assez de lumière pour connaître que les véritables biens et les véritables maux sont les spirituels, n'ont pas peine à juger que le châtiment que Dieu fait des sept vies de ceux qui ont perdu la foi est si épouvantable, qu'il ne peut être surpassé que par celui de l'enfer. Ô roi des nations, peut-on ne vous pas craindre et penser sans être transi de frayeur quels sont les terribles effets de votre colère? La perte du bien, de l'honneur et de la vie ne sont pas les châtiments que l'on doit le plus appréhender, mais c'est l'endurcissement de la volonté dans le péché et l'aveuglement de l'esprit dans l'erreur, principalement ce qui regarde les choses de la foi. Ce sont là les plaies dont Dieu, dans sa fureur, frappe les âmes, lorsqu'il ne les traite plus en père, mais en juge et rigoureux juge, selon ce qu'il a dit par Jérémie, « Je tous ai traités comme mon ennemi, en vous faisant sentir la rigueur de mes châtiments. » Jérémie 30. Mais Dieu n'agit point ainsi en juge sévère qu'après avoir témoigné toute la bonté et la douceur que l'on peut attendre d'un excellent Père, et, si l'on y prend bien garde, l'aveuglement de l'esprit est encore plus dangereux que l'endurcissement de la volonté, parce que, bien que ce dernier soit un fort grand mal, il n'est pas sans espérance d'en guérir, puisque la foi, quoique morte, reste encore à celui qui tombe. Il sait qu'il y a dans l'Église des remèdes à son péché, ce qui peut extrêmement lui servir pour se relever de sa chute. Mais comment celui qui erre dans la foi aura-t-il recours à ces remèdes, et quand même il les chercherait, comment les trouvera-t-il, puisqu'ils ne sont que dans l'Église, et, qu'étant lui-même hors de l'Église et ne croyant pas à l'Église, il n'a garde de les y chercher, ce qui rend sa perte irréparable. Dieu a dit encore, par ce même prophète, « J'affligerai Israël par de telles plaies, que l'on ne pourra seulement en entendre parler sans être transi de crainte. » Jérémie 19. Mais saint Paul nous apprend que Dieu n'exerce de si grands châtiments que par une grande justice. Voici les paroles de cet admirable apôtre, « La colère de Dieu éclatera du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité de Dieu dans l'injustice, et ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs vains raisonnements, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Ainsi, en voulant passer pour les sages du monde, ils sont devenus fous et insensés. » Romains 1, 18, 21. Il paraît, par ce passage, que l'intention de ce grand apôtre a été de faire voir qu'il y a des hommes qui, encore qu'ils connaissent Dieu, ne le servent pas comme on doit servir un Dieu, mais s'enflent d'un orgueil qui les aveugle, et quoique leur entendement connaisse la vérité, leur volonté ne laisse pas de les porter à faire le mal, tellement qu'ils retiennent la vérité de Dieu dans l'injustice. Puisqu'au lieu de faire ce qu'elle leur enseigne, ils se laissent emporter à ce que leur volonté corrompue les pousse. Comme cette vérité de Dieu est d'un prix inestimable, et qu'ainsi, c'est une extrême faveur qu'il fait aux hommes de la leur donner, son dessein, dans le bonheur qu'ils ont de la connaître, et qu'ils la révèrent, qu'ils s'y affectionnent, qu'ils embrassent la vertu et qu'ils se sauvent, ils ne peuvent donc, sans l'offenser et se rendre indignes d'une telle grâce, manquer à faire ce que cette vérité leur enseigne. Elle pourrait, comme le sang d'Abel, élever sa voix, contre eux, vers Dieu, pour lui demander vengeance de ce qu'encore qu'il ne l'ait pas tué, puisqu'elle peut subsister avec le péché. Il lui aurait ôté le moyen de bien agir, comme elle aurait fait, si leur volonté, au lieu de lui être un obstacle à faire le bien, l'avait assisté. Et Dieu fait bien voir qu'il écoute cette voix, puisqu'il dit dans l'Évangile, « Le serviteur qui aura su la volonté de son maître, et ne l'aura pas faite, sera battu rudement. » Luc 12, 47. Or, le plus grand de tous les châtiments dont Dieu, comme nous l'avons dit, punit un homme en ce monde, à cause de ses péchés, est de permettre qu'il tombe dans l'erreur. Et c'est ainsi qu'il châtia ceux qui tombèrent dans une si honteuse et si épouvantable idolâtrie, qu'ils adorèrent, comme des dieux, des oiseaux, des serpents et d'autres bêtes, et commirent tant d'autres péchés si abominables, que l'on ne saurait y penser sans horreur, et que j'aurais honte de les rapporter, que s'il semble que Dieu, par une telle punition, les ait jetés dans cet abîme de péché, il est certain néanmoins qu'ils les ont commis volontairement, puisque s'ils eussent eu recours à sa bonté, ils auraient trouvé ses entrailles paternelles prêtes à leur faire miséricorde. Ainsi Dieu a fait paraître sa justice, en permettant qu'ils soient tombés dans l'idolâtrie, sa sagesse, en leur laissant leur liberté dans cet état, et sa bonté, en se trouvant toujours prêt à leur pardonner, s'ils se convertissaient. Voilà de quelle manière Dieu a puni, avec tant de justice, l'orgueil des gentils et l'ingratitude des Juifs qui ont été encore plus coupables qu'eux, puisque non seulement ils ont eu plus de lumière, mais ont été éclairés par l'éternelle lumière qui est Jésus-Christ, et qu'au lieu de profiter d'un si extrême avantage, ils ne se sont pas contentés de ne le point reconnaître, mais l'ont fait crucifier par des gentils. Ainsi, s'étant efforcés d'éteindre cette souveraine lumière, source de toute lumière et de toute vérité, ils demeureront ensevelis dans des ténèbres éternelles. S'ils ne se convertissaient, ne se soumettent à l'obéissance de ce Seigneur qu'ils ont refusé de reconnaître pour leur maître. Mais, servant de Jésus-Christ, si vous me demandez d'où vient qu'ils se sont portés à commettre un si grand péché que de fermer les yeux à cette lumière qui leur a été si présente, Saint Jean répond à cela, c'est, dit-il, qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car tous ceux qui font du mal craignent la lumière, Jean 3, 19. C'est pourquoi, à cause que la doctrine de l'Évangile tend à la vérité et à la vertu, et qu'ils aimaient le mensonge et le vice, ils n'ont voulu ni entendre une doctrine, ni voir une lumière qui condamnait leur fausse sainteté et faisait connaître, par l'exemple d'une vie par, la corruption de leurs mœurs, voilà quelle a été la cause de l'horrible crime qui les a non seulement empêchés de recevoir, mais les a portés à faire mourir ce divin médecin qui était venu pour rendre la santé à leurs âmes. David l'avait, plusieurs siècles auparavant, prophétisé par ces paroles, que leurs yeux soient tellement obscurcis, qu'ils ne voient point, et faites qu'ils soient toujours courbés contre terre, parce qu'ils ont fermé les yeux de la foi, et n'ont aimé que les choses de la terre. Psaume 68. Chapitre 48. Continuation de ce qui a été traité dans le chapitre précédent. Et de quelle sorte il faut lire l'Écriture sainte et les pères. Si Dieu a châtié de telle sorte les gentils et les juifs, pour les punir d'avoir abusé de la grâce qu'il leur avait faite de se faire connaître à eux, de quelle manière n'a-t-il point sujet de traiter les chrétiens, puisque leur ingratitude est incomparablement plus grande? Faut-il donc s'étonner que tant de gens abusant d'une connaissance aussi importante qu'est celle de la foi, il exerce sur eux un aussi terrible châtiment qu'est celui de les faire tomber dans l'hérésie? Et n'est-ce pas l'effet de ce que saint Paul a prédit, que Dieu leur enverra, dans les derniers temps, un esprit d'erreur si efficace, qu'ils ajouteraient foi au mensonge de Thessaloniens 2, 11, puisque personne n'ignore quel est le grand nombre de gens qui ont embrassé l'hérésie de Luther. Il ne faut pas néanmoins s'imaginer que Dieu pousse les hommes à croire le mensonge, ni à mal faire, car saint Jacques dit qu'il ne tente point les méchants, Jacques 1. Et saint Paul nous apprend que ce qu'il leur envoie un esprit d'erreur ne signifie autre chose, sinon que par un juste jugement il permet, pour les punir de leurs péchés, que les hommes ou les démons les trompent par de faux raisonnements ou de faux miracles. Ainsi ils sentent en eux-mêmes une si grande disposition à croire le mensonge, qu'ils y ajoutent foi, comme si c'était une grande et salutaire vérité. Ce jugement de Dieu est si terrible que, puisqu'il ne fait rien que de juste, il faut qu'un homme soit tombé dans quelque grand péché, pour avoir mérité un si rude châtiment. Et saint Paul dit que ce péché est de n'avoir pas reçu et aimé la vérité pour être sauvé. 2 Thessaloniens 11, 10. Car, Si l'on considère quel est le pouvoir de la vérité dont nous sommes persuadés pour nous aider à servir Dieu et à nous sauver, il sera facile de connaître combien c'est un grand péché de n'aimer pas cette vérité, de ne la pas suivre, et un plus grand péché encore de commettre des actions honteuses, si contraires à ce qu'elle enseigne. Combien donc doit être éloigné d'offenser Dieu, celui qui croit qu'un feu éternel est préparé pour ceux qui l'offensent, et que tant que Dieu sera Dieu, c'est-à-dire toujours, ils souffriront encore d'autres tourments innombrables, sans en pouvoir être soulagés. Comment ose pécher celui qui croit qu'en même temps que le péché entre dans une âme, Dieu en sort? David montrait bien qu'il n'ignorait pas dans quelle extrémité de malheur se trouve l'homme que Dieu abandonne de la sorte, lorsqu'il disait « Seigneur, ne vous éloignez point de moi », psaume 34, 25, « car Dieu ne nous a pas plutôt quittés que nous demeurons dans la mort, premièrement de la culpe, et nous trouvons ensuite près de tomber dans une mort éternelle ». Job n'avait-il pas raison d'admirer qu'on osât pécher, lorsqu'il disait « Qui est celui qui voudrait goûter d'une viande qu'il serait assuré qui donne la mort ?» Job 6. Et moi je dis que si nous avons raison de ne vouloir pas manger d'une viande que le médecin nous assure être mortelle, oserons-nous consentir à des actions que Dieu dit que nous ne pouvons commettre, sans donner la mort à notre âme, Ézéchiel 18. Ajouterons-nous plus de foi à un médecin qui, n'étant qu'un homme, qui peut se tromper et se trompe si souvent, qu'à Jésus-Christ, ce souverain médecin qui est infaillible? Pourquoi, sachant qu'il a promis une récompense éternelle à ceux qui le serviront fidèlement, ne nous efforcerons-nous pas de nous en rendre dignes à quoi que prix que ce soit et quand il nous en devrait coûter la vie? Pourquoi ne l'aimerons-nous pas de tout notre cœur, sachant que nous lui devons l'être, qu'il est le souverain bien, et qu'il nous a aimés le premier, jusqu'à souffrir la mort pour nous? Et pourquoi au lieu d'accomplir le reste de ce que l'Écriture sainte nous enseigne et nous commande, serons-nous si malheureux que de faire tout le contraire? Qu'y a-t-il de plus étrange et de plus monstrueux que de voir des chrétiens agir d'une manière si opposée à leur créance? Puis donc qu'ils n'aiment pas la vérité, qui les sauverait s'ils pratiquaient ce qu'elle enseigne? N'est-il pas juste que Dieu, qui, comme dit David, est terrible dans ses conseils sur les enfants des hommes, psaume 65, 2, les laisse tomber dans l'erreur? Que si nous considérons ce qui sert de piège aux juifs et aux hérétiques pour les faire tomber, il y a de quoi s'épouvanter, car, si l'on demande aux juifs sur quoi ils se fondent, pour demeurer avec tant d'opiniâtreté dans leur erreur, ils répondront que c'est sur l'Ancien Testament. Et si l'on fait la même demande aux hérétiques, ils répondront que c'est sur le Nouveau Testament. En quoi l'on voit accomplir clairement cette prophétie de David, que leur table, par une juste peine, leur devienne un filet et une pierre de scandale, psaume 68. Et qu'y a-t-il jamais eu de plus étrange que de voir que les tables de la loi, qui étaient des tables de vie, soient devenues une pierre d'achoppement pour leur donner la mort, que des tables de consolation et de pardon soient devenues des tables d'affliction et de châtiment, et que des tables qui marquaient le chemin pour conduire à la vie aient fait prendre celui qui mène à la mort? En vérité, il faut, comme je l'ai déjà dit, que bien grand soit le péché qui mérite un tel châtiment, qui fait que la lumière, au lieu d'éclairer les hommes, les aveugle, et que ce qui doit donner la vie donne la mort. Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont équitables, il n'y a nulle imperfection en vous, mais il y a beaucoup de malice en ceux qui abusent de vos grâces, ainsi il n'y a pas sujet de s'étonner qu'elle leur soit une pierre d'achoppement, et que vous les châtiez de ce qu'ils ne vous rendent pas l'honneur qu'ils vous doivent et se déshonorent eux-mêmes. La foi est un don si excellent et si avantageux, que nous ne saurions trop nous efforcer d'en bien user, ni trop remercier Dieu de nous avoir donné ces divines écritures, si nécessaires pour régler notre conduite. Mais comme le vent qui souffle sur cette mer vient du ciel, il ne faut pas s'étonner que Dieu permette que ceux qui n'y naviguent qu'à la faveur d'un vent de terre, qui est leur raison, fassent naufrage, car, de même que les paraboles dont notre Seigneur se servait, lorsqu'il était dans le monde, instruisait ceux qui se trouvaient dans la disposition nécessaire pour en profiter, et aveuglait les autres par un effet de sa justice, il arrive que les humbles brebis nagent à leur aise dans cette mer profonde de vos saintes écritures, et que les superbes éléphants s'y noient et y fassent noyer les autres. Vous pouvez juger par là, ma fille, combien il importe de ne se pas engager inconsidérément dans l'explication de l'Écriture sainte, et nul ne le doit entreprendre qu'après avoir extrêmement travaillé pour en acquérir l'intelligence, puisqu'autrement c'est se mettre dans un grand péril. Il faut donc, afin de ne point courir fortune de tomber dans l'hérésie, s'instruire avec un très grand soin des sentiments de l'Église romaine, et être dans une extrême pureté de vie. Selon ces paroles de saint Athanase, la bonne vie, la pureté du cœur et une piété chrétienne sont nécessaires pour acquérir l'intelligence de l'Écriture sainte, parce que sans cette pureté de cœur et cette bonne vie qui conduisent à la sainteté, il n'est pas possible de bien entendre le sens de ces paroles toutes saintes, car de même que pour regarder la lumière du soleil, il faut avoir les yeux clairs et lumineux, et pour bien connaître un pays ou une ville, les considérer de près, il est besoin, pour acquérir l'intelligence des écrits des saints, de commencer par purifier son âme et imiter leur vie et leurs mœurs, afin que, s'unissant ainsi avec eux par cette conformité de désir et de sentiment, on puisse entendre ce que Dieu leur a révélé et éviter de tomber dans le feu préparé pour les pécheurs en ce grand et dernier jour qui verra finir le monde. On ne saurait trop considérer ces paroles de ce grand saint si l'on veut profiter de la lecture de l'Écriture sainte, car, à moins que d'avoir cette pureté de vie, encore que nous sucions en général par l'Écriture sainte ce que Dieu demande de nous, nous ne le saurions pas en particulier, si le Seigneur, comme dit le sage, ne nous en donnait l'intelligence par son Saint-Esprit, sagesse, 9. C'est là cette sagesse qui apprend aux hommes à plaire à Dieu, et qui ne se trouve point dans les méchants. C'est là cette sagesse qui, par de saints travaux, d'humbles prières et de bonnes œuvres, rend les hommes si véritablement sages, qu'après avoir employé beaucoup de temps à lire l'Écriture sainte, ils sont capables d'instruire les autres des sentiments qu'ils en doivent avoir, parce qu'ils les ont eux-mêmes. Mais, à moins que cela, s'ils rencontrent bien, c'est rarement, et ils sont du nombre de ceux dont parle saint Paul, qui, voulant être les docteurs de la loi, ne savent ce qu'ils disent ni ce qu'ils assurent si hardiment, 1 Timothée 1:1. Il faut aussi, pour entendre l'Écriture sainte, avoir recours à l'explication que les saints en ont donnée, et même des scolastiques, et l'on voit dans quelles erreurs l'Allemagne est tombée pour n'avoir pas observé toutes ces choses. Chapitre 49. Que nous ne devons pas nous glorifier d'avoir conservé la foi que les autres ont perdue, mais au contraire beaucoup nous humilier. Fidèle servant de Jésus-Christ, lorsque vous apprenez ces chutes si déplorables, gardez bien de vous glorifier, ni de dire en vous-même, « Je ne suis pas du nombre de ceux qui ont si misérablement perdu la foi, mais souvenez-vous de ce que Jésus-Christ répondit aux Juifs sur le sujet de ces Galiléens dont l'Évangile dit que Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice, et de quelle sorte il les reprit de la complaisance qu'ils avaient en eux, même de se croire meilleurs qu'eux. Car, comme il connaissait par sa sagesse infinie leur orgueil caché, il leur dit, pour les en convaincre, pensez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous ceux de Galilée, parce qu'ils ont ainsi été traités? Non, je vous en assure, mais je vous déclare que si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de la même sorte, et croyez-vous aussi que ces 10-8 hommes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, fussent plus redevables à la justice de Dieu que tous les habitants de Jérusalem? Non, je vous en assure, mais je vous déclare que si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de la même sorte. Luc 13, 2. Saint Paul dit aussi, si les prémices des Juifs sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les rameaux le sont aussi, si donc quelques-unes des branches ont été rompues, et si vous, qui n'étiez qu'un olivier sauvage, avez été hanté parmi celles qui ont été hantées sur l'olivier franc, et avez été rendu participant de la sève et du suc qui sort de la racine de l'olivier. Ne vous élevez point de présomption contre les branches naturelles, il est vrai qu'elles ont été rompues à cause de leur incrédulité, et que vous demeurez ferme par votre foi, mais prenez garde à ne vous pas élever, et demeurez dans la crainte, car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, vous devez craindre qu'il ne vous épargne pas aussi. Romains 11, 16. Les châtiments que Dieu a exercés sur d'autres doivent donc nous rendre humbles et non pas superbes, puisque, de quelque côté que nous tournions les yeux dans ce malheureux siècle, nous ne voyons que des sujets de répandre des larmes et de dire, avec un prophète, « Si je sors à la campagne, je la vois couverte de corps morts, tuée par l'épée, et si j'entre dans la ville, je la trouve aussi pleine de morts qui ont été consumés par la faim. » Jérémie 14. Les premiers de ces morts sont ceux qui, étant sortis de la ville, qui est l'Église, ont eu la tête coupée par l'épée de l'incrédulité qui les a séparés du chef donné de Dieu aux chrétiens, qui est le souverain pontife de Rome. Et les seconds sont ceux qui, étant demeurés dans la ville, qui est l'Église, ont conservé la foi, mais sont morts misérablement de faim, faute d'avoir été soutenus par cette céleste nourriture, qui est l'obéissance au commandement de Dieu et de l'Église. Pouvons-nous être chrétiens sans en avoir le cœur percé de douleur, et dire à Jésus-Christ, en nous prosternant devant sa face, jusqu'à quand, Seigneur, n'aurez-vous point de compassion de ces misérables pour qui vous avez répandu votre sang, pour qui vous avez été attachés sur une croix, et pour qui vous êtes morts au milieu de tant de tourments, puisque ce n'a été que l'excès de votre amour qui vous a fait en souffrir pour tous les hommes? Ne permettez pas, mon Dieu, qu'il n'en ressent point l'effet, mais guérissez un aussi grand mal qu'est le leur, par le remède que vous seul êtes capable d'y apporter. Faites, ma chère fille, Avec un très vif sentiment et une grande ferveur, c'est demanda Jésus-Christ, puisque vous ne sauriez l'aimer sans avoir une extrême compassion de tant d'âmes pour lesquelles il est mort, vous devez aussi fort prendre garde de quelle sorte vous vivez et profiter de la foi qu'il vous a donnée, de peur qu'il ne vous pue, ni sans vous faisant tomber dans l'erreur, car ne savez-vous pas combien l'hérésie du malheureux Luther en a perdu, et combien d'autres dans les pays occupés par les morts ont renoncé la foi de Jésus-Christ, pour suivre la loi brutale de Mahomet? En quoi l'on voit l'accomplissement de ce qu'a dit saint Paul, que quelques-uns en renonçant à la bonne conscience ont fait naufrage en perdant la foi, 1 Timothée 1, 19, et nous l'avons aussi fait voir ci-devant en parlant des motifs qui portent à croire, parce que la mauvaise conscience obscurcit peu à peu l'entendement pour lui faire chercher une doctrine qui ne condamne point sa malice, ou parce que Dieu, pour punition du péché, permet que l'on tombe dans l'hérésie. Mais, soit par l'une ou par l'autre de ces raisons, on ne saurait trop appréhender un tel malheur et trop prendre soin de l'éviter, car, quoique cela n'arrive pas à tous les chrétiens, puisqu'il y en a, comme je l'ai dit, qui, encore qu'ils soient en péché mortel, ne perdent pas la foi, quand il n'y en aurait qu'un qui tomberait dans ce malheur, cela suffirait pour faire trembler tous les autres. Les 11 apôtres étaient très éloignés d'avoir seulement la moindre pensée de trahir leur maître et néanmoins, lorsque, Jésus-Christ leur dit que l'un d'eux le livrerait à ses ennemis. Ils tremblèrent tous, et chacun d'eux lui demanda si ce pourrait bien être lui qui serait si méchant et si malheureux tant ils appréhendaient que leur faiblesse ne les rendît capables de commettre un crime dont ils se sentaient si éloignés. Vous voyez, ma chère fille, par tout ce que je viens de dire, l'avantage que l'on peut tirer de faire une grande attention à ces paroles d'un des deux versets que j'ai pris pour sujet de ce discours, prêtez l'oreille, afin d'obéir avec foi à Dieu et à son Église, sans prétendre par une téméraire curiosité de pénétrer les mystères ineffables de Dieu par la petitesse de notre entendement et de notre raison, de peur, comme dit le sage, d'être aveuglé par l'éclat de sa gloire, et qu'il ne nous arrive comme à ceux qui, voulant regarder fixement le soleil, non seulement ne le voient pas, mais perdent la vue par l'extrême disproportion qu'il y a entre leurs yeux, et sa lumière. Ainsi ces personnes qui cherchent à se satisfaire par la voie de l'entendement, au lieu de s'éclaircir de ce qu'ils désirent de savoir, ne rencontrent que des ténèbres et des sujets de doute qui les inquiètent, car Dieu ne donne l'intelligence qu'aux humbles qui, en s'abaissant devant lui avec un profond respect, écoutent attentivement sa parole et celle de son Église. Il leur fait alors de si grandes grâces, que leur âme n'est pas seulement remplie de consolation, mais embellie par la foi et parée de bonnes œuvres, comme la belle Rachel le fut dépendant d'oreilles et des bracelets qui lui furent envoyés par Isaac. Le Saint-Esprit, pour nous faire entendre quelle doit être cette entière soumission de l'entendement à la foi, après avoir dit, dans le premier de ses versets, « Écoutez, ma fille », il ajoute, prêtez l'oreille, afin de nous faire connaître que, puisque Dieu ne dit aucune parole inutile, et qu'il a répété celle-ci, son intention est de nous recommander particulièrement cette sincère soumission à la foi, qui est le commencement de notre salut, pour lequel il ne nous manquera rien si nous y joignons l'amour. Marc Emdan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4, 1845, Abémigne, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.